en direct du bar des studios Young Media. Vous écoutez l'épisode numéro 104 de la saison 2019-2020 de la soirée du podcast. Oui, madame! Yeah! Montez ça un peu. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir. Le numéro 21, Dave Thibodeau. Yes, sir. Le numéro 31, JF Mallette. Bonsoir. Le numéro 75, votre animateur, JF Kell. Solo. C'est intense. C'est le temps ça des fêtes. Ça part fort. Ouais, c'est festif. On se le laisse un peu pour se faire flaguer des copyrights. Quand est-ce qu'on y met des petites tâches de Noël? Là? On va être rendu avec un round NHL avec Grenot. Voilà. Nice. Mon moment favori de la saison. J'attends ça là, plus que le repêchage. It's the most wonderful time of the year. Exact. Donc, salut tout le monde et bienvenue à la soirée du podcast, émission de discussion ouverte sur les activités du Canadien de Montréal et de la Ligue nationale de hockey. Bienvenue, on vous en parle. Avec passion et boisson, bien sûr, des sujets chauds couverts par des gars chauds. On va réajuster votre caméra, les gars, deux secondes, comme ça. On part frivole. Tiens, on va vous mettre un pli gros angle, voilà. C'est fait! Ah. Et... voilà. Je me suis cadré. On me rappelle qu'on est sur Facebook Live et sur le Twitch de Young Media. On a Coucou Kiki, on a Antoine Sty qui nous fait des références au Bleu Poudre. Donc, Coucou Kiki. Voilà. Alors, allons-y pour l'avant-match. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'avant-match, à part les positions du pool, mon Dave! Oui, les positions du pool, donc numéro 5, en position du pool, Jérémy Rivard. Bravo. Numéro 4, Nick Chalifoux. Le top 5 est assez stable en ce moment. Ouais. Les positions 4-5 s'interchangent, puis après ça, ça bouge plus trop. C'est ça. Mais toi, tu t'es fait closer le gap un peu récemment. Oui, hein? Ouais. Ça fait mal un peu. Ouais, t'es encore correct. Troisième position, Alexandre Girard. Deuxième position, Simon-Pierre Fournier. Et toujours en première position, JF Kromp. Voilà. Et donc, on a Antoine Sty qui nous dit qu'il a fait des choix de merde dans son pool. Écoute, mon Antoine, t'es ainsi que tout le monde, seul. On est au mois de décembre. N'oubliez pas, vous avez le droit à un échange ce mois-ci. Donc, soyez judicieux. Exact. Des blessés. Ah, j'ai des blessés, mais on dirait que j'ai même pas le goût des échanger, puis ça donnera rien. Ben moi, je me suis fait fourrer parce que j'ai échangé Marner pour Pasternak, puis Marner est revenu le lendemain. Ah. Je suis comme gaspillé mon choix. Je suis comme tabarnak. Puis il m'est arrivé à même faire des affaires avec McKinnon. L'année passée, j'avais fait ça, moi, avec Laney, puis Matthews, puis Matthews, oui, puis Laney. Oui, je m'en souviens, tu n'avais parlé de ce je pense que je les avais switchés 4 fois. Hein. Ça a coûté. Un hostie de patente. Donc, on enregistre ce soir. Ah, ouais, non, mais vas-y. Ce que j'allais dire, c'est pour les membres du podcast. Je suis encore numéro 1. Donc, oui, Jeff, encore numéro 1. Mais ouais, c'est Simon-Pierre qui est en deuxième, est à 6 points de moi en ce moment. Il s'est rapproché quand même. Ça se corse. Ça se corse. Donc, en 9e position, on a Mart. Mallette en 15e. Moi, je monte, je descends, Ça dépend comment ça file. Moi, je suis 27. Alex Galipo, 32. Alex Kromp, 54. Pas le numéro du don. Ouais. C'est pour ça qu'il est dernier. Non, il y en a un qui est plus dernier que ça, par exemple. Ouais, non, mais dans le pool, dans le podcast. De nous autres, ouais. Notre loser de la semaine, il faudrait faire un thème pour ça. Loser de la semaine. Pas nous ça, je vous Sébastien Claveau. Avec une tonne de pierre à la pointe, hein? Oh, oui. Propos. Voilà, donc on vous rappelle de faire vos échanges du mois de décembre. Oui. Non, je disais qu'on était le 6 décembre. Faites justement vos échanges, sauf Simon-Pierre Fournier, Alexandre Girard. Ce soir, c'est soir de fête parce que ce soir, il y a un match du Canadien. Et ça arrive quelques fois par saison que le vendredi qu'on enregistre, il y a un match. Ouais, on va essayer de ne pas être trop distrait. Ouais, c'est ça. 1-1 en ce moment contre les Rangers à New York. Et puis, voilà. Ouais, premier but de Gallagher. Ben, premier but. Premier but de du match. Ouais. C'est ça. Puis après ça, on s'est fait score par Smith. Ouais. Smithers? Smithers. Donc, je pense que c'est tout pour l'avant-match. Fait qu'on va aller faire la première période. On n'a pas de rang. Je crierais bien. Ce buzzer très discret. Tu vois la wave audio qui n'est pas trop forte. On a trop d'écrans partout ici. On peut être distrait quand l'écran de l'ordi là-bas, la télé que écoute, je vois, les studios Young l'écran Media. L'écran de nous autres, l'écran du iPad, les studios Young l'écran Media. De Switch. C'est imagine si tu mettais un casque VR par-dessus tout ça. Ça serait l'enfer. Fait que faisons le résumé, messieurs, des matchs. L'enfer, c'est nous autres. L'enfer, c'est nous autres. Le résumé des matchs entre les deux podcasts. Et Je pense que depuis le début qu'on fait la soirée du podcast, c'est la pire séquence que j'ai jamais vue. Arc! De défaite, c'est épouvantable et on va en parler. 23 novembre, donc, Montréal contre New York, une défaite de 6-5 alors que le CH menait 4-0 en début de deuxième. Jeff était sur place. T'étais là? C'était mon cadeau de fête. Mais Jeff, est-ce que t'avais mangé de la poutine de 5 livres pendant que t'étais là? Non! Va falloir y aller puis se sacrifier pour ça. C'est comme quelque chose que tu mangerais à 4, genre toutes nous autres. Ou à 2, mais un peu ça à bras. Chacun, tout avec la même fourchette. Pourquoi? on se passe juste le bol. On était intimes, nous autres. Mais non, j'ai pas goûté à ça. Écoute, ce que j'ai découvert, puis c'était une première pour moi, c'est que finalement, il y a comme un bar à drink, genre, t'es pas obligé de juste prendre la bière, tu peux te prendre du fort. Ça doit coûter 14-15 piastres. Ouais, ouais, ben à cette heure et tout, moi, la dernière fois que j'étais allé, ce que j'avais trouvé cool, c'est que. À cette heure, t'as des bières de microbrasserie, là. Ouais, c'est vrai, t'en as. Je pense qu'il y avait de la Trou du Diable, des affaires de même. Fait qu'à cette heure, il y a de la bonne bière. Ouais, ben, et pas tant plus cher. Ça valait la peine de payer une bière. Ça vaut la peine de payer un peu plus pour avoir une bière qui goûte pas de la marde, genre. Il y avait ça aussi au Rogers Center pour les Blue Jays. Ils ont une section avec la meilleure bière qui est une pièce de plus. C'est moins. Peut-être, dans le fond. Mais c'est ça, puis t'as des. Tant qu'à payer 13$ pour de la pisse, ou si bien payer 14$ pour de la pisse peu moins payé. Exact. Puis t'as des. Comme tu dis, t'as du fort à cette heure, puis des affaires comme ça, tu peux prendre un cognac. Tu peux prendre un rum and coke, quelque chose comme ça. Je veux être dans la foule avec une moustache, tu sais, une moustache qui tourne. Ouais, un petit chapeau. Un sniffer de whisky, là. Un petit chapeau, puis les cheveux splittés dans le milieu, là. Il y a Mighty Joe dans le chat qui nous dit que Kincaid vient d'accorder 4 buts en première période contre le Crunch de Syracuse. Ah. Oh my God! Kincaid. Ouais, mais on en reparlera. On l'a dit en sujet, on peut en parler. On a un scoop de Kincaid. Ouais, tu veux-tu? Parce que là, on le sait tous. Mais t'as-tu qu'on dise là ou qu'on dise? C'est pour toi, dans le fond. Si je vois, je vais le nommer. Je vais le dire là. Restez là, restez à l'écoute. On vous revient en deuxième période avec un scoop sur Kincaid. Kincaid. OK. Bonne idée. Quelque chose du genre. Ouais. Vous nous le rappellerez les fans en direct si on s'en souvient. Ouais, parce que ça se peut fort bien qu'on se rappelle. Scoop en deuxième. Scoop en deuxième. Ouais, Jeff, qu'est-ce que t'as pensé de ce game-là? C'était dégueulasse. Quand c'est grand-papa B. Nice, Nelson. Écoute, ce game-là, honnêtement, là, c'est comme genre une montagne russe. Là. Montagne d'émotion. Je te dirais, j'avais pris une mise au jeu en plus. T'avais gagé sur le Canadien. Non, j'avais gagé sur le nombre de buts dans un match, mais j'avais comme pris des gageux sur des choses qui mettaient à l'avantage le Canadien. Mais finalement, chose ça n'a pas aidé parce que dans le fond, on avait dit moins de 7 buts. Mais là, le problème, c'est qu'à 4-0, je suis ah, Chris, à 4-0, okay. S'il compte plus que 6-4 buts, ça me dérange pas. Fait que là, après ça, ça s'est mis à s'écrouler, genre, je comprenais plus rien. Puis j'étais assis à côté d'un fan des Rangers qui était genre en dépression en première période. Puis en deuxième période, il y a l'air d'un gars genre qui venait de prendre une sniff de poudre. Puis il était comme on a un nouveau quartier. Peut-être qu'il était sur un dame de poudre. Écoute, il était jeune par exemple. Mais c'est ça, il était probablement sur un dame de poudre. En puis écoute, j'étais, dans le fond, j'étais dans le bleu, j'étais dans le pit. Là, fait que on peut bien voir le jeu parce que t'es sur le dessus. Là, puis je te jure, là, esti, je voyais des couloirs, mon gars. Là. Ouais. Un enfant pourrait passer. Moi, j'ai pas écouté cette game-là. J'étais à Illumi. T'étais Illumi. Oh, l'affaire de village de lumière, là. J'étais allé avec mon gars, là. C'était un village de lumière. Tout allumé, ouais. Donc, pour les fêtes, là. Ouais, ouais, c'est fait par Cavalia. Pas de chevaux, par exemple. Là. Okay. Il y a un carrousel, là. C'est à peu près Cavalia tout. Cavalia va faire de l'argent. C'est ouais, c'est ça. Ben, c'est sur le terrain, je pense, de Cavalia. Anyway, puis je checkais la game, puis j'étais comme sur mon téléphone, tu sais. Genre, je checkais le score sur mon application. Chris, 4-0. All right, Chris, bonne game. On va gagner ça. À un moment donné, genre. Oh, calvaire, 4-4, je commençais à capoter. Pas 4-4, c'était 5-4. Ça finit 4-3 en deuxième période. Ouais, après ça. Quand on a compté le cinquième but, j'étais comme, bon, OK, là, finalement, là, je pense que la pente descendante, ça s'arrête là. On va gagner. Mais non, tabarnak. Alors moi, quand ils ont monté 5-4, je me suis dit, c'est fini, ils vont perdre. Moi, à 4-0, j'ai arrêté de checker le score. Mais je me suis dit, c'est Chris Game dans la poche. Écoute, il y a un joueur que j'ai spoté qui va faire partie des moins, c'est sûr, à soir. Je crois que je vais attendre avant de le nommer pour ne pas brûler le punch. Mais tabarnak, mon gars, là. Hey, les défenseurs, là, je ne sais même pas ce qu'ils faisaient, puis ils ne prenaient pas leur position. Fait que, mettons, là, t'avais un joueur qui couvrait. Mais... Mettons que t'avais le gars des Rangers qui avait le poche. Je pense qu'on pourrait dire ça pour bien des games de, dans cette série. Ben, c'est pour ça, c'est comme devenu une maladie. Tu sais, ça, c'est comme. Ben, c'est ça. S'il y avait un virus, puis Chris, c'est ça, l'ont passé. Ah, il y a Antoine Si qui a bien guessé ton joueur dans le. Je pense. C'est, ah, c'est sûrement lui. C'est on en parlera tantôt. Oh, ouais, mais non, je capotais. Puis. Je suis sorti là avec le moral bas. L'amertume. Puis tu sais, j'ai comme senti qu'ils m'ont fait ça pour ma fin, tu sais. Fait que là, finalement, mais... Ils t'ont fait ça quand même. Ah, ils jouaient contre Twist. Tu sais, d'après ça, t'as comme t'es down, t'as pas le goût d'aller prendre une bière après. Fait que je suis rentré chez nous. T'es allé te coucher. Ah ouais, j'étais comme, ah oh mon Dieu. Le soir de sa fin. Ah non, c'était et cette game-là, c'était la quatrième défaite de suite, en fait. Et c'est là que ça a commencé les deux podcasts. On était sur une séquence de trois. Puis ça, parce que la première défaite qu'on avait eue, c'était contre les Devils, je pense. Hein? Ouais, c'était le lendemain de la victoire contre Washington. Ouais. Puis on a perdu, dans le fond, c'était Price, il avait goalé les deux games en deux les soirs. Les Devils, soir, ils ont là, donné c'est là que ça a commencé. Ils ont starté, c'est ça. C'est, on a été puis demandé. On menait ce game-là, puis après ça, les Devils sont venus à cause de Domi qui a pogné sa première pénalité de la saison. Oui. Ça a donné un but à l'autre équipe, esti. Le Chris. Quelle merde. Ah non. C'est, écoute, c'était mais horrible. Bon, c'était le premier match. Ensuite, on a fait 8 minutes ouais, sur le premier ça match. Ça s'améliorera pas, moi, dire après ça, parce que le 26 novembre, qui était le match d'après contre Boston, une défaite de 8 à 1. Ah ça, quelle humiliation. Tu sais, je pleurais mon Canadien. Là, ouais, c'était quand c'était tu fais battre 8-1 par les Bruins, là, c'est comme... Oh, ça fait mal. Non, c'est ça. On dirait mais c'était très bon pour mon pool, par exemple, parce que Pasternak t'en a fait un taux de chapeau. De chapeau. Ouais. Ah, puis la meilleure que j'avais vue, je vous l'avais envoyée, là, c'est comme le Canadien en mange une Pasternak. Ça devait faire un mois. Puis c'était TVA qui l'avait sorti. Mais vraiment, ça fait un jaloux de jour. Je pense que ça devait faire au moins un an qu'elle était prête, cette quote-là. Puis comme, quand est-ce qu'on pourrait la sortir? Ah, c'est ça, il l'avait. Il avait fait un brainstorm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, les Browns du Plante, là? On a mangé une Pasternak! Ben, le pire, c'est qu'aujourd'hui, tu essaies de retrouver l'article puis ils l'ont retiré. Je sais pas si quelqu'un. Il a dit ah, comme... c'est vrai? Ouais, c'est comme. Ah, c'était pas assez bon, genre. Ben, trop vulgaire, peut-être. Trop pas. Vulgaire. Ben, voyons donc. Ben, écoute. C'est calme. Ouais, TVA, c'est un jeu de mots, c'est merveilleux. Il y a du monde. Pour une fois que TVA en fait une belle, il faut bien leur donner ça, Calice. Pogné avec Mike Bossé. Contrairement aux Canadiens, qu'eux autres, on leur a donné. Je l'aime Bossé, mais Christ, qui est perdu, le bonhomme. Autant avec Michel Bergeron. Ah non, par exemple. Ça, c'est dur à battre lui, encore. Il lui, on a hâte qu'il parle. Lui, je suis même pas sûr qu'il comprend ce qu'il dit encore. Là. J'attends juste ça que quelqu'un, genre, le sort, genre, dans le Me Too. Là, ben... peut-être ça. Je me demandais où tu en es. J'en ai appris. Là, tu voulais qu'il sorte de quelqu'un dans le Me Too, ouais, dans la douche avec ses grosses bagues. Là. Ah, sacré. Oui, Michel Bergeron m'a rentré des bagues. Ensuite, le 28 novembre, contre les Devils du New Jersey, une défaite de 6-4. Rien à dire là-dessus. Ben écoute, rien à dire du tout. T'espérais que. C'était contre qui? Ah, les Devils encore, hein, c'est ça? Ouais. Ah, c'est-tu que c'était mauvais, ça et tout, man? C'est ça. 6-4, puis ça et tout, man. C'est des games avec un gros. C'est une game que, genre, on se faisait scorer, on scorait, ou l'inverse, genre, on scorait, on se faisait scorer. Là. Ben c'est ça, parce c'est que. C'était tout mettons, un back-à-back, c'est quand même un tabarnak de game qui mettons, est frustrant. Je sais pas si tu t'en souviens. Pas mais capable de s'acheter un but. Un moment donné, on avait fait un voyage dans l'Ouest, c'est une année qu'on n'avait pas fait les séries avec Price. Puis là, on se faisait poter, genre, tout le temps, 3-4 buts d'une shot, là, sans, non-stop, c'était tout le temps. Oui! Je pense que c'était Michel Therrien qui coachait dans ce temps-là, je suis pas sûr. Ça se peut, on se faisait scorer comme des buts, des deux buts back-à-back tout le temps. Ouais, ouais, ouais. C'est la saison qu'on se faisait scorer, je sais pas combien qu'on a eu de games, qu'on se faisait scorer deux ben, buts back-à-back. Tout le voyage dans l'Ouest au complet, je pourrais dire. Ben, ça se peut, mais c'était des buts. On se faisait scorer, puis genre, même pas une couple de minutes après, on se faisait scorer. C'est ça, t'allais aux toilettes, tu revenais, c'était 5-0. Mettons, tu sais. Ouais, OK. Ben, genre, ben non, écoute, c'était horrible. Puis je pense que c'était avec Therrien demain. C'était l'année que Therrien s'est fait mettre dehors. 12 heures. 12 heures. Non, non, on déblatère. Excusez-moi, ben justement, on t'écoute pas. C'est l'anniversaire de Patrick Roy qui envoie chier Tremblay. Hein? C'était, hein? Ouais, c'était arrivé cette semaine, ça. Ah ouais? Ouais, c'est le puis là, après ça, il y a eu quelqu'un qui a fait une vidéo avec la face de Kincaid. Là. Ah, ah, c'était beau, ça. Oh, oui, c'était. Quoi que ça, c'était rapide, là, quand même. Là. Quelqu'un a demandé, puis ça a été fait comme dans une heure après ça. C'était fait, puis t'as un frame que Kincaid, il y a un gros smile. On s'est entendu qu'il y a du monde, là. Que... Les gens vont dire qu'ils attendent juste ça. Si, on dirait, ouais, direct ça, là. Ils ont rien à faire encore. Mais il y a le compte. Bravo. C'est qui Puck et Bière, Puck Bière. Puck et Bière, ouais. Lui, il était carrément. Lui, il sort des gifs incroyables. Mais lui, je pense qu'il y a une bonne banque d'affaires déjà prête aussi, là, ce qui est excellent. Mais assurément, là. Après ça, 30 novembre, Philadelphie contre Montréal, défaite de 4-3 en prolongation. Et dans cette game-là, Mété s'est blessé à la cheville. Il sera absent pour deux semaines. Ben oui. Hey, ben tu sais, ça va pas bien quand on a de la peine de perdre Mété, pareil. Hein? Tu te dis, hey, c'était-tu un bon défenseur? Ah, il était quand même stable, Mété, pareil. Ouais, c'est pas juste ça, dans le fond. Chris, c'est là que t'as déjà rien à gauche, puis tu perds Mété. T'es mal barré en colis. Tout ce qui te reste, mettons, de comment je pourrais t'expliquer ça sans être méchant? Là? Non, sois méchant. Vas-y, Mallette. Le seul défenseur qui a de l'expérience, c'est Ben Sherratt. On pourra en parler tantôt de Ben Sherratt. Ben, à gauche. Ok, j'étais comme... À gauche. Ouais, okay. Quoi qu'à droite... Beachy, genre. Tabarnak. Weber, il est correct. Ouais, il est pas super Weber. Weber joue quand même une minute. Tu sais qui me fait penser, Weber? À qui? À Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2 à la fin. Tu sais, quand il, genre, avant tu le T-1000, genre, il est comme tout pété. Il venait de mourir, puis c'est ressuscité. Puis là, il est dans la roulette, genre en métal, puis là, il se lève, puis là, t'attends tout, tout, tout. Puis là, il a le bazooka dans les mains, puis là, il tire dans le T-1000, puis le T-1000 explose, puis il tombe dans l'air. Puis là, après ça, Arnold, il marche, il manque un bras, puis il dit « I need a vacation ». Mais je pense que c'est Weber en fin de carrière. Ça, tu sais, comme le bazooka, c'est comme son slapshot au net. Il n'est pas rendu là, Weber. Non, mais c'est comme même, un exemple qu'on peut se faire travailler. Chris Weber, c'est notre deuxième meilleur pointeur de l'équipe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il est vieux, mais tu sais, il n'arrêtera pas. Un bras en moins, man, il va tirer le coup de canon dans le net pour détruire, genre, le gardien de but. Puis il non, va ça porter, va pas genre... bien, Dave. Mais c'est comme ça, je le vois. Qu'est-ce qui va pas bien aussi? Les connaît le meilleur scoreur du Canadien en novembre. Non, mais la meilleure de tout ça, je pense pas que vous l'avez pas vu, celle-là. C'était le meilleur scoreur au mois de novembre, je te jure. Ah, mais bravo. Mais l'affaire, là, aussi, ça va pas bien, là. Mais c'est que c'est vous qui a gagné la Coupe Monsoon au mois de novembre. Carey Price. Tu sais, il faut-tu que ça l'aille mal en tabarnak pour ça? C'est parce que, dans le fond, je pense que c'est comptabilisé par le nombre de fois qu'il est la première étoile, puis on a gagné contre Boston. Non, mais c'est des star points, je pense. C'est le nombre de fois que... Mettons, t'as tant de points pour la première étoile, tant de points pour la deuxième, tant de points pour la troisième. Ça veut dire que Price a eu genre deux games qui étaient première étoile, puis le reste, personne du Canadien a eu deux étoiles. C'est parce que, dans le fond, il a eu sa victoire contre Washington, fait que juste là, il méritait deux étoiles, puis après ça, c'est fini. C'est ça. Fait que après ça, il n'y a pas personne qui a eu des étoiles parce qu'on était tout le temps des petites défaites de marde qu'on se faisait planter genre 8 à 1. Jamais, là. Pas personne... On s'entend-tu quand tu perds 8 à 1? Je sais pas si quelqu'un aurait une. Hey, on s'entend-tu quand tu perds 8 à 1? Dans ton équipe, il n'y a pas un hostie joueur qui a une étoile. Ben, je me redis peut-être dans le game que j'étais avec les Rangers, mais est-ce que je suis parti avant la fin? Trop en tabarnak. Ah, il restait 2 minutes. Je me disais, si tu commences pas à avoir trop de monde. Tu sais, avec ton manteau d'hiver, des marches, tu fais chaud, hostie, puis. En tout cas, dans le match contre Philadelphie, c'était également le premier match de Gustav Olofsson. C'est tout. je voulais juste dire ça de même. Mais Gustav... c'est Kincaid qui était dans le filet. Kincaid était dans le filet. Ça, c'est un autre bel game de merde. Ben, ouais. le but, avez-vous vu le but en prolongation de Ivan Pronovov? Oui, sacrément avec le on a fait un prolongation celle-là. Oui, tu sais, quand mettons, il est rendu en. C'est tellement un beau move. Mais c'est ça, mais tu sais, quand il était en zone neutre, puis il est comme il patinait sur le côté un peu. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là, tabarnak? Puis il s'est envoyé à la poque dans les jambes, puis il l'a envoyé en avant. Esti, ils l'ont laissé aller. Quelle merde. Mais tu regardes les défaites, à part, mettons, 8-1 contre Boston, tu sais, 6-5, 6-4, 4-3. Bon, là, on t'a rendu à 7 défaites. Après ça, Montréal contre Boston, une défaite de 3-1. Le lendemain... Ça, c'est triste, ça, parce que la game contre Boston, là, on menait 1-0, on jouait bien en début de match. Puis le but de Pasternak, là... Ah, c'est-tu... Tu sais, Gustav Olofsson, là... OK, là, t'as le Wayne Gretzky check, là, si on peut dire ça de même. Hey, on a beaucoup des Wayne Gretzky, hein. Ouais, c'est ça, mais c'est comme un compliment. Moi, ces commentaires-là, le Wayne Gretzky de la défense, le Wayne Gretzky. Le Wayne Gretzky, c'est comme l'échelle de Richter. Mais ouais, mais calme. L'échelle de Richter. Ben, c'est que tu sais, quand il y a un tremblement de terre, c'est ça. Oui, c'est ça, je veux dire, parce que c'est comme Gretzky, c'est comme le summum. C'est comme le Gretzky. Gretzky, c'est un 10 sur l'échelle. Gustav Olofsson, il a carrément oublié le gars derrière de lui. T'as-tu vu dans la ligue, dans le KHL, il y a un gars qui s'appelle Gretzky? Non. Ouais. C'est bon, oui. Non. Il est dégueulasse. C'est son frère. Il est pourri. Non, mais c'est un russe, là. C'est genre. Gretzky. C'est Gretzky. Gretzky. Un russe ou un tchèque ou un je sais pas quoi. Il porte 99. Il était même pas dans la KHL. Il était d'une ligue continentale. Hey, les gars, on était encore dans les matchs. Ça n'a pas de bon sens. Mais il est joué dans cette série. Il porte le numéro 99. Ah. Ouais, c'est fou, hein. Il s'appelle Gretzky, mais ça s'écrit avec un S. Ah. C'est genre... Gretzky. Fait qu'après la défaite du 1er décembre contre Boston, le lendemain, Kincaid a pris sa poche de hockey et a été ballotté. Bye-bye. Et non réclamé. Et on le dit-tu là, notre coup? Ouais, on peut le dire là, dans le fond. Caméra sur GF. On peut commencer, probablement, il y a eu le rappel de... De Kaden Primo. Primo. Le fils de Keith. Fait que là, c'était un peu... Les sentiments étaient partagés avec les gens qui disaient, on fait un Québécois dans le club, puis c'était un gars de New Jersey. Ah, c'était tabarnak. Mais là, c'est ça. Là, t'as des gens qui étaient contents, t'en avais qui l'étaient moins. Mais dans le fond, j'ai eu un scoop cette journée-là. J'ai une source sûre, je peux vous le garantir. Puis les gars, genre, ils savent c'est qui, mais on le dira pas parce que. Pour préserver sa job. C'est ça. Fait que Keith Kincaid ne reviendra pas à Montréal. C'est pas une question de « Ah, il va se remettre dedans, tu sais, on va le faire. » Parce qu'on a parlé beaucoup de compétition en goaler ou de comme relancer un peu Kincaid, de faire voir de la glace puis de le... C'est ça. Mais non, il va rester à Laval puis il va prendre son trou parce que Primo, le but, c'est de le garder là puis de travailler avec puis ça passe sous sa corde. Mais d'après moi, ça s'en va dans la bonne direction que Primo. Là. Mais non, Kincaid, c'est terminé. Attendez-vous pas qu'il revienne à Montréal. Puis c'est pas une surprise, c'est honnêtement. C'est un fail là, complètement. Là. C'est il triste. Il était pas avec les Devils, lui? Il était avec les Devils. Écoute, qu'ils l'ont laissé partir, on l'a ramassé. Calisse! Techniquement, c'est Blue Jackets qui l'a laissé partir parce qu'il était joueur autonome. Ouais. Mais là, le fond, c'est parce que la première saison que Corey Schneider a goalé pour les Devils, qui s'est blessé avec les Devils, c'est Kincaid qui l'a remplacé puis il était bon cette année-là. Mais l'année d'après, qui est l'année passée, là, les Devils allaient nulle part puis Kincaid était devant le net. Puis... Mais je pense que, genre, il a joué combien de games à Montréal? 4? Ouais, genre. Mais je pense que, genre, il a gagné 0 game à ses 13 dernières games. Non, il a gagné une game avec Montréal. Il a gagné une game? La game contre Vegas, c'est lui. Oh, excuse-moi. Ben non, ça de même. Il a gagné une game à ses genre, 16 dernières games. Ouais, ben c'est une game, 16 derniers. On va dire games. Ça dans ces 16 derniers games. Anyway, on va enchaîner. Mais parce que la vraie les gars ont fini. Price, là, il était genre, tu sais, il était supposé de comme laisser aller plus le net à son substitut. Puis Chris, on l'a surtaxé, Price, parce que Kincaid n'était pas assez bon. Kincaid aurait dû goaler contre New Jersey. On a mis Price. Parce que le coach n'aime pas confiance à Kincaid. Si t'as pas confiance à ton deuxième goaler, il faut que tu t'en débarrasses. Ben, c'est ça. Pour répondre à Metal Mammouth, non, c'est pas son nettoyeur. C'est vraiment une source très proche. Là, non, mon nettoyeur, c'est mon spécialiste du junior. Dans l'entourage du Canadien. Entourage média proche. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de confiance quand même. C'est un high level. On était quand même surpris. Oubliez pas que Jeff deal des gros dossiers comme ça. Ouais. Mallette en quête. Et voilà. Ça nous prendrait un autre thème aussi pour Mallette en quête. 3 décembre après ça contre... Un genre de thème à la Carmen San Diego. Chris, ce serait hot. On fait un intro animé et tout. Là. Je vous fais confiance. Le 3 décembre, comme je disais, contre les Islanders, on a gagné finalement une victoire de 4-2. Et Price, t'es pas content dans cette game-là. Price, elle ne met pas se faire déranger dans son filet. Contre les Islanders, là, c'était fou. On va mettre ici comme ça le clip. Mais je pense qu'il a bien fait pour vrai. Là, c'était... Ah, ben, il se faisait gosser. Le gars, il était vraiment dans son demi-cercle. Là, il pousse dans le dos. Il fait un genre de là, après ça, le joueur, il donne un petit coup avec son bras, genre, de même. Puis là, il a fait comme fuck you, je te trip. C'était mon Brock Lesnar. Brock Lesnar. On va le revoir en plus gros, là, mais... Ouais, ouais, non, c'est ça. Et Price a pogné une pénalité là-dessus, d'ailleurs. Yeah. Weber, ça allait passer à l'arbitre, on dirait. Mérité. Oh, il pousse l'arbitre. Il est venu ouais. Vraiment vite. Hein. Il a de la misère à arrêter. Oui, qu'est-ce que c'est ça? Mais, mérité. Excusez. c'est ça. Weber, t'as l'irrité dans la face. On a su, toi. Mais... pas mérité, mais plutôt quel genre, il a bien fait. Il a bien fait de faire ça. On le voit, genre. On va voir comme là, il est vraiment collé, fait qu'il tasse. Ouais, il tasse très, très solide avec un déjà dans le dos. Puis là, regarde le bras du gars des Islanders en face, pour le faire chier. Il l'a poussé en plus. Fait que là, Price s'est égaré. Mais tu sais, je veux dire, ça en partant, là, le joueur là, qui a comme poussé Price, là, il n'a pas d'affaire à faire ça. Là. Non, t'as pas de showballer. C'est ça. Fait que ça, pour moi, c'est comme. Mais aurait dû être une. C'est pas une pénalité, mais. Ben ça, non, parce que tu sais, il l'a pas genre. Il n'y a pas. Ben quoi que si ça aurait été Mrazek, probablement que ce serait crissé à terre. Là. On va le voir tantôt. Hein. Si je peux lancer un complot, parce que dans le fond, écoute, il y a quelqu'un, un analyste qui avait shooté ça. Là, j'étais comme, oh, Chris, comme toi. Là. Mais tu sais, ce game-là, là, le Canadien a eu 0 power play. C'était les Islanders qui ont eu les power play. Oui. Il y en a eu 3. Oui, c'est vrai. Les étaient vraiment contre nous autres. Puis il y a quelqu'un qui a commencé à dire que tu sais la game d'avant contre Boston, là, le deuxième but, la pénalité qui était douteuse envers Domi, puis Boston a scoré, puis ils ont gagné le match après. Là. Mais ils ont gagné 8-1. Là, non, la game de 3-1, je te parle. Ah, OK. Puis là, Julien a callé hâte les arbitres après la game, sans les envoyer chier, mais il a carrément dit qu'ils n'ont pas fait leur job. Mais Julien, il a une petite tendance à genre, tu sais, il a callé une suspension. Il picosse beaucoup les arbitres ces temps-ci. Puis il a callé une suspension sur Zadora. Il call out pas mal, là. Fait que là il devrait avoir ce doigt-là, lui, d'après moi. Ben, c'est pour ça que là, dans le fond, là, le gars, il dit là, dans le fond, parce que les arbitres, c'est une confrérie, puis la Ligue les protège, que là, ils se sont dit, garde, fuck you, le Canadien. C'est comme les francs-maçons. Chris. sais pas c'est quoi. Les tailleurs de pierre. Les tailleurs de pierre. Les francs-maçons. Tu sais pas c'est quoi les francs-maçons? On commence pas à faire l'historique des francs-maçons. C'est des grosses confréries. C'est des grosses confréries, genre des grosses affaires. En tout cas. C'est comme le clan des Skulls. Ouais, genre. Ok, mais où? C'est basé sur les francs-maçons un peu, ça, ce film-là. Le clan des Skulls, c'est basé là-dessus. On a même fait non plus, c'est au moins. Puis il reste une game. Ça va aller en deuxième période. Il reste une game? Ouais, il y a une game qu'on a pas couvert. Ok, c'est vrai. Et c'est la game du 5 décembre contre Colorado, qui est la game d'hier. Il y a une défaite de 3-2. Première game de Kaden Primo. Et Keke se blesse et sera absent pour une période indéterminée à cause d'une commotion. Oh, mais au moins, il n'est pas blessé ailleurs. Donc, je pense pas que c'est une grosse commotion, honnêtement. Là, c'est non, peut-être. Ben, il est, ça, mal, ça, il est mal tombé en colis. Il est tombé sur la nuque. Là, mais le problème avec Keke, là, sérieux, il est pas dans son assiette cette année. Moi, ben, comme Domi, il n'est pas dans son assiette. Je dirais. Non, Domi non plus. Là, mais ça va pas bien, les gars. Keke, là, d'après moi, tu sais, je veux dire, à Montréal, tu as besoin d'un juste milieu, mettons, là, pour être comme pas pire. Puis moi, je pense que tu as des joueurs comme, mettons, Keke, puis tu as des joueurs comme Galchenyuk. Mais je pense que Keke, lui, fait pas assez de poudre. Mais Galchenyuk, lui, en faisait trop, mettons. T'sais. Ok, ben genre, côté. Comment je peux dire? Il score, Maurice Richon, sa poudre! Tu sais, il est trop straight, ce gars-là, man. À un moment donné. Et genre, il y a là un enfant qui va à la messe, là. Ah, si, bon, un enfant de nanane. Il y a un enfant, point. Ah, mais non, mais tu sais, je dis ça, mais tu sais, on mais, dirait qu'il y a besoin. Je comprends ton image. Va chercher un peu de The grit, la colonne, vie, man, vie. Ouais. Ouais, genre de c'est des trop pas poli. Mais sois pas comme Galchenyuk. Il y a l'air d'être le nouveau gars qui boit du lait, mettons. Ah, si, bon. Ah, c'est pas la colonne, c'est le nouveau laitier. Le nouveau laitier de Glendo. Mais j'ai le hit sur Kotkaniemi, donc on va le regarder. Puis vous pourrez juger à la maison si, selon vous, ça méritait une suspension, une pénalité ou pas. Je pense que non, moi. Ben, j'ai réécouté, bizarrement, là. Moi, j'étais d'accord que non, il méritait pas de suspension, mais je l'ai réécouté beaucoup aujourd'hui, puis je l'ai checké. Puis il y a clairement un mouvement. Ben, il swing sa jambe, tu sais. Il y a clairement un mouvement de la jambe puis de ses bras qui basculent, mais je pense que c'est plus un effet d'entraînement que volontaire. Je pense pas qu'il a essayé de lancer sa nuque. C'est très dur à juger, puis je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de sanction, parce que. Bon, il n'y a même pas eu d'appel. On le voit même pas là-dessus. Ouf, là, mais tabarnak. Ah, c'est son cou, là, man. En plus, il y a les bras comme une poupée de chiffon. Ouais, mais c'est ça, mais Zadorov, c'est un monstre. C'est 6 pieds 8, ça, là. Puis, ah, c'est un colosse. Il pèse genre. Oh, il est comme 230 livres et plus. Non, il est immense, ce gars-là. Puis c'est un des défenseurs qui a le plus de mise en échec à travers la ligue. Tu sais, fait que. Ouais, c'est son jeu et tout, là. Ben, c'est comme, mettons, mettons que tu vas sur l'autoroute puis tu t'en frappes par un truck. Mais ça se peut que tu revoles, tu sais. Je veux pas. Je sais pas ce qu'on comprend, là. Mettre des suspicions là-dessus, là, mais ça se peut-tu aussi qu'il ait fait comme. T'es tombé sur la tête, va à l'hôpital, on fait un check-up. Bon, il est correct. Sais-tu quoi? Prends donc un break, Kotkaniemi, puis reste chez vous pour une coupe de game. Ah, c'est pas impossible. Parce qu'il est dans une mauvaise passe, le monde commence à être pointé du doigt. Ça se peut, parce que demain, tu le mets sur la liste des blessés, puis tu peux faire un rappel. Ben, un rappel d'urgence. Il commençait à bien aller depuis la game contre Philadelphie. Depuis qu'ils ont eu les Finlandais. Il y a eu une bonne game. Ça montait un peu. Il faisait des bonnes choses, sa patinoire. C'est juste que là, dans le fond, quand le gars a une commotion, le protocole, c'est une semaine minimum. Après ça, c'est à réévaluer. Ouais, y a-tu vraiment eu une commotion? Je sais pas. Mais ça a l'air d'avoir cogné quand même assez dur. C'est parce qu'il whip comme un peu. Parce que ta blessure cachée, mettons, je trouve que ça aurait plus de sens en début de saison quand il était blessé à l'aine que là. Ouais. Mais peut-être qu'on fait comme gars. On n'a pas de chance, puis tu sais, profite-en, on va remonter un gars, genre, on va remonter Payling, quelqu'un d'autre, ou Hudon, juste pour donner la chance à un autre pour. Mais comme Hudon, c'est. Que lui sort de son slump aussi, là. D'ailleurs, le slump sans des fêtes est arrivé de bonheur cette année. Contre Philadelphie, il allait bien, il était toujours à l'attaque, puis il se repliait, puis il contrôlait mieux la rondelle. Contre les Islanders, il était très bon. Contre Kotkaniemi, c'était leur meilleur trio, je trouvais sa patinoire. Fait que c'est dommage que ça tombe là, parce que il commençait, puis là, boum, ça va être tough pour lui de revenir. Puis là, j'espère que ça ne l'affectera pas mentalement, parce que tu ne sais pas comment les joueurs peuvent réagir après ça avoir fait frapper solidement de même. Clairement, Kotkaniemi n'a pas, mettons, l'intelligence d'un gars comme Suzuki. Dans les deux sens de la glace. Il a l'intelligence, mais il peut aussi développer. Suzuki en repli défensif, là, il est bon. Là. Il fait sa job. Kotkaniemi, l'année passée, déjà tu sentais que c'était pas là qu'il était le meilleur. Là. Dans son pas offensivement, mais défensivement, il était mieux. Écoute, c'est ça sa force l'année passée. Défensivement? Oui. Non, ta gueule, là. Sa première présence qu'il a faite dans la Ligue nationale, c'était contre le trio à John Tavares. Puis pendant toute sa séquence de 43 secondes à peu près, là, ils étaient dans zone offensive des Leafs. Ils contenaient le trio à Marner puis Tavares. C'était incroyable. Puis ça a été de même. Puis après ça, ça a commencé à se relâcher après janvier. En offense? C'est défensif, dans le fond. Il poussait dans le fond. Ce que je veux dire, c'est qu'en repli défensif, Kotkaniemi, il vaut pas tant une claque, sérieux. Il a pas le coup de patin nécessaire pour avoir un repli. Mais je pense pas qu'il y a cette intelligence de jeu-là non plus. Oui, c'est sa force. Puis j'enlève pas en repli. Il a été repêché pour ça. C'est un centre two-way. Ah, moi je le file plus avec Suzuki qu'avec Kotkaniemi. Oui, parce qu'il y a un an de plus. Il est beaucoup plus intelligent. Il est plus développé. Ben, écoute, man, dans les deux sens de la glace. Je sais que Suzuki est en avance. Il y a une coche de plus. Suzuki coche en haut. Il est incroyable. Tu as deux mondes complètement différents. Tu as Suzuki qui a fini son stage au junior. Puis Kotkaniemi, il n'a pas eu de stage au junior. Il aurait peut-être dû, c'est ça le problème. Ben ou en tout cas, il aurait peut-être dû apprendre à jouer de nord-américain. C'est deux chemins différents. Parce que c'est ça, regarde. C'est différent en crise parce que tu pars de la ligue, la Liga, ou je sais pas quelle ligue en Finlande, puis tu t'en viens jouer dans la ligue nord-américaine, c'est deux games puis non seulement ça, dans le fond, à peine 3 mois qu'il avait eu 18 ans quand il s'est joué à Montréal, puis j'ai lu un article avec Koivu, là, puis il a dit « Chris, c'est un choc culturel pour un jeune de quitter sa famille à cet âge-là dans un nouveau pays. Il faut qu'il s'adapte au marché. Il faut qu'il s'adapte à tout ça. » C'est un peu comme un jeune qui se pète le frein. Ben, faut que tu t'adaptes. Tu sais pas comment tu vas réagir. C'était pas facile. Ça fait mal, perdre connaissance. Ben, je suis pas inquiet pour lui parce que je sais que ça va bien aller avec le temps. Faut juste être patient. T'sais, la deuxième saison, c'est toujours plus difficile pour un jeune. Puis c'est même partout. Mais il va être bon. Je pense encore qu'il y a beaucoup de potentiel. J'ai pas l'éponge. Suzuki, clairement, il est en avance sur lui. J'ai pas l'éponge sur Kéké. Je dis juste que je regarde le jeu des deux gars. Puis, oui, OK, je comprends, Suzuki, il est plus vieux un peu, là. Mais, tu sais, on parle quand même de deux jeunes joueurs, là. Il est dans sa 20e année. Tu sais, clairement, Suzuki, je trouve que il a des habiletés que Kéké n'a pas. Puis, ça va dans les deux sens. Tu sais, je veux dire, autant en offense qu'en défense, il a des habiletés que... Je le trouve plus intelligent. Il est moins... comment je dis? Il réagit moins l'impulsivité avec la rondelle. Il est plus en confiance. Il a plus de contrôle sur ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Parce puis que puis ça il est plus sent en confiance. Ça. Ben, probablement. Bon, ben, tu sais, c'est ça. C'est parce que dans le fond. Et voilà. Écoute, on va voir avec la suite, mais c'est dur à voir rendu là. Fait qu'on va aller faire un entraque. C'est ça, on est très jeune. Puis on fera nos plus et nos moins en deuxième période. Parce qu'on a juste 3 extra audio. Fait que c'est bien parfait. Ça. Fait qu'on s'en fait un entraque et on vous revient. Fallait pour bien la... avoir une séquence de défaite pour genre passer une période à parler clair. Juste des matchs. C'est clair. Quand les Canadiens vont bien, on n'a rien à dire. Mais quand ils vont mal, là, c'est le fun à parler. Là, ça va, là, faut qu'on parle. Fait qu'on fait un entraque et on revient pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. Et on va commencer cette période avec nos plus et nos moins qu'on n'a pas fait dans la période parce qu'on a débordé. On commence avec nos plus, ce qui sera pas facile pour cette séquence de match. Besoin que ton plus, Dave, t'as-tu un plus? Bon, je vais donner au récipiendaire de la Coupe Molson, esti. Ah. Non, c'est pas vrai, calice. Moi, on allait tellement de cool, c'est d'or. Vas-y, on est-tu des plus ou des moins? Tu me mêlais, toi, là. Écoute, j'ai... Je vais le donner... Je peux pas le donner au tireux de lait. Là. C'est qui ça? Les Conan. Tu vas pas le donner à lui? T'es-tu malade, toi? Trop fort, mais tourne à ton ordre. Hater, moi, ce que j'ai appris, c'est que les Conan, ouais. C'est mon Plekanec. Ben, c'est comme tu sais, c'est ton Plekanec, parce que moi, j'ai essayé Plekanec pour mourir. J'étais plus capable. Ouais, mais moi j'ai aimé Plekanec en début de carrière, quand il était bon. À la fin, il était rendu. Puis à la fin, il faisait son travail. Les Conan, je l'aime pas. Puis je pense que ça va rester comme ça. Même s'il compte genre 20 buts. Tout. Même s'il fait, même s'il fait 50 buts en 50 games d'ici la fin de saison. Ben, ça serait-tu magique, ça? On serait pas la même position, on t'a combien de games en ce moment, là, dans la saison? Une trentaine. Trentaine? Déjà. C'est fou, hein? Je vais le donner à Suzuki, je pense. Ben, tu fais bien, Dave. Ouais. Parce que c'est le seul joueur... Mais tu sais... Gallagher, il est tout le temps, je pense, un choix sûr. Puis Weber, je pense qu'il mériterait aussi parce que il a bien joué quand même malgré... Sixième meilleur pointeur d'un défenseur cette saison. Ben, juste pour ça, puis c'est notre deuxième meilleur pointeur dans l'équipe présentement. Ça en dit long. En tabarnak, on n'a pas de pointeur. Le premier, c'est Tatar, puis avec, je pense, un point de différence, là. Puis il y a genre 100 minutes de pénalité. Ah, mais lui, c'est une pénalité, un but, fait que c'est pas super. Là. C'est, non, c'est mais fou, hein. Il y a bien des passes cette année. Puis on est courant à piquer, fait mais, que ça fait mal. Mais parce que j'aime comment qui est, puis je l'expliquais tantôt, je le trouve intelligent, même si genre il n'est pas plein de points encore. Il est sur une belle séquence, je trouve qu'il fait des belles choses, plein de petites choses qui. Ça sont intéressantes. Sa petite passe, ça, c'est quasiment rendu sa signature là, quand il est complètement dans l'enclave. Écoute, il fait une passe, elle se dit poum à l'autre passe. Puis Chris, j'ai l'impression que Donnezy, il commence à avoir un petit peu plus de temps au centre là, de ce temps-ci. Là. Ben, il commence, dans le fond, parce qu'il joue à l'aile avec Domi. Puis je le vois au centre, honnêtement, parce qu'il n'est pas si pire d'un face-off. Ben, il est plus naturel au centre qu'à l'aile. Oui, puis il n'est pas pire d'un face-off. Il en gagne souvent des importants. Ça, c'est important. Oui. Il a d'ailleurs gagné un face-off important dans la victoire du Canadien. Contre les Islanders. Ouais. La seule victoire. Où ce que Weber a gagné, a scoré. Là. Et c'est lui qui a gagné un face-off, je pense. Quand il s'est passé à l'autre bout. Puis c'était la soirée des capitaines. Ouais. Oui. Puis c'est le capitaine du Canadien qui a fait gagner, qui a arrêté la défaite. Hein? On dirait quasiment que c'était un film. Ouais, c'est ça, mais ça a comme peut-être inspiré. Mais j'espère qu'il va pas faire comme mon dernier. La dernière fois, j'ai aimé un numéro 14, là. Mais il n'y a pas de numéro 14 au début, par exemple. Le 14? Ben moi, ça me faisait chier au début parce que j'étais comme mêlé. Je disais, ah! Et finalement, je dis, ah non, c'est pas le même joueur. Ouais, mais moi, mais Plekanec n'avait pas le numéro 14 au début de sa carrière. Il avait le numéro quoi, déjà? 24? Non, 30 quelque chose, il me semble. 30. Non, c'était 30, non, je m'en souviens 32? Pas. 32? Hey. Le monde dans le chat. Je sais que tu as raison parce que je m'en souviens qu'il y avait un autre numéro à l'époque. Je me demande si c'était pas dans 70. Je sais pas, man. Faudrait qu'on aille dans hockey des 112. Hey, y a-tu quelqu'un dans le chat qui va y checker ça pour nous autres? Sortez-nous le premier numéro de Playkick avec le Canadien. Parce que je me rappelle, je disais tout le temps à JF, checker bien le numéro 1. Puis l'année d'après, 35, c'est ça? Ça se peut, mais... Ah, c'est toi qui l'as sorti? Ouais, c'est moi, je viens d'avoir une image. C'est droit, c'est 35. Ok, c'est ça, c'est 34? Non, ils n'ont rien dit encore. 35, bon. Bon, tu vois, si, merci, Mighty Mouse. C'est ça, 35. Mighty Mouse. Parce que je vois pas bien à cause de la fait cause. Que, et voilà. Fait que tu vois, finalement, j'avais, ils ont c'est dans les 30. Fait que 35. Ouais, c'est ça. J'étais tout à l'impression que j'ai le 14. Check bien le numéro 35 l'année prochaine, puis là, il a changé le numéro. J'ai le 14. Check bien le numéro 14 l'année prochaine. Je l'aimais bien au début, jusqu'à temps que je change le numéro 14. Là, ça a commencé à dégringoler le tabarnak. Quand il a commencé à mettre sa jupe. Sa jupe de laitier. Son col roulé, son collet Mao puis son petite moustache de lait. Il a toujours eu son col hein, même au début. Son oh, collet Mao. Ben, c'est ça. Sa mère a toujours dit, Mao, un collet Mao. Un col roulé, c'est haut puis tu le roules. Lui, c'est un petit collet demi. Ben, ça, c'est un col romain qu'on portait au collège. Un col quoi? Un col romain. Un col romain? Ouais. C'est un collet Mao. C'est la même chose. Un demi-col. Sûrement. Ouais. Peut-être que toi, c'est plus latin. Ouais, Mao. C'est plus frivole. Pas sûr que ton plus JF d'abord. OK, ben là, dans le fond, je donne mon plus, mais gars, il y a comme, tu sais, dans le fond, c'est comme, tu sais, pour là, ça va bien. Là. Warning. Ben Sherritt, parce que ouais, le gars, parlons-en de Ben Sherritt. Écoute, ça fait deux games de suite qu'il joue quasiment 30 minutes, ce qui est je comprends pas, il y a ben du gaz, trop, ce gars-là. C'est... Ben oui, mais c'est parce que l'affaire qui arrive, c'est pour combien de temps? Ouais. Ah ben c'est ça. Là. À Winnipeg, il jouait avec Dustin Byfuglien, puis les deux jouaient à peu près autour. Mettons, son plus haut total, c'était 22 minutes. Mais habituellement, il jouait 16. Là, il en joue 30. C'est le double de ce qu'il jouait d'habitude. Fait que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ça va nous péter dans mais, la face. Mais, solide. Mais honnêtement, on n'a pas le choix. On n'a rien parce qu'on n'a pas d'alternative. C'est, parce qu'on a c'est là que tu vois le manque de profondeur. Dans le fond, il y a une profondeur. Là, Mété, oui, il on là. A de la profondeur ouais, pour les 3-4e trios. Là, on a en tabarnak. Non, en défense, on est, un on de... est probablement l'équipe de la Ligue nationale la plus guirée en 3-4e trios. Ah, on pourrait se faire partir une ligue de 3-4e trios. On a un beau bottom 6. On a Il est bien garni, ce bottom 6-là. Mais quand nos joueurs sont en santé, on a 4 bons trios. Ouais, mais dès que t'en as un ou deux qui tombent, là, t'es fait. T'es dans le parce que ton plan de match, où ce que tu vas tout le temps patiner puis presser sur l'adversaire, tu peux plus le faire parce que t'as perdu tes deux meilleurs patineurs. Ouais. En Byron puis Drouin. Je vais donner un exemple. Puis je sais qu'est-ce que tu vas me dire, Malette. Puis c'est juste un exemple, OK? Non. Laisse faire. Faut qu'on fasse un film podcast. Mettons que. OK. T'aimes pas. Ben, ça serait un bon exemple aussi, mais Maple Leafs. OK. Marner se blesse, mais t'as quand même Matthews. T'as quand même. Nylander. T'as quand même Matthews. T'as quand même Tavares. Je l'avais déjà dit, mais anyway. Sûrement. T'as d'autres choses quand même d'intéressant, d'important. À Montréal, Drouin est parti, là. Et calvaire, man, ça commençait déjà à faire mal. Puis c'est quoi la meilleure dans tout ce que tu dis là, dans ton exemple? Bien. Oui, je le sais, je le sais. Toronto sont en arrière de ça. Je le sais, puis Tampa Bay aussi. mais, tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Tu sais, on n'a pas beaucoup d'éléments. Puis tu sais, je veux dire, c'est une chose d'avoir des super bons joueurs, des super vedettes, mais c'est une autre chose de les faire fonctionner ensemble. Puis c'est peut-être ça le problème avec ces équipes-là. Quoique, t'aimes pas, c'est autre chose, clairement, parce que Chris, les années d'avant. Mais non, mais comme Dallas, ils ont les mêmes joueurs, puis ça marchait. Dallas, ils ont plein de bons joueurs, puis ça marche pas pantoute cette année. Là, t'sais. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu perds Drouin, puis Calvert, là, man, tu pognes la chienne en esti, parce que Drouin, elle a bien. Ben c'est comme, là, c'est comme Colorado. Qui va aller bien comme Drouin? Il n'y a pas personne qui va bien. Domi, cette année, il va pas bien. Ben, moi, dans ma tête, quand Drouin s'est blessé, je me suis dit, OK, ben regarde, on a Suzuki, fait que Suzuki peut prendre sa place temporairement. Je pense pas qu'il est rendu là. Ben, tu sais, il produisait. Puis je l'aime beaucoup. Fait que ça là, allait bien. C'est juste que là, tu as Byron en plus qui se blesse. Fait que dans le fond, ouf, tu te retrouves avec un tout. Puis c'est tes deux meilleurs patineurs, dans le fond, t'sais, les plus rapides, tout ça. Là, tu mets, tu sais, mettons, Will, il n'y a pas le coup de patin de Byron. Hey, Will Cousin. Thompson, écoute, je cracherai pas sur ces gars-là. Ils peuvent apporter quelque chose à une équipe. Trigo, elle a bien depuis le début de la saison. Mais je veux dire, on s'entend-tu que ça, pour moi, c'est tout du... C'est tout des joueurs que tu peux prendre, puis n'importe quel moment, ça change ces gars-là. Ah, ça, c'est des gars interchangeables. Oh, ouais, écoute, c'est interchangeable à 100 000 à l'heure. Il y a pas de... Comme, tu t'arrêtes, tu te bases pas ton équipe. C'est pas tes fondations. Là. Non, c'est ça. Mais là, tu sais, c'est comme, mettons, Thompson, d'après moi, c'est un temps emprunté. Puis tant mieux qu'il performe bien parce qu'on a besoin de lui présentement. Mais moi, je m'entendais à qu'un jeune comme, mettons, Jake Evans finisse ou Ryan Poehling remplace Thompson. T'sais, mettons, on aurait eu, comme sans, mettons, dans un meilleur des mondes, moi, j'aurais pensé qu'on aurait eu Dano, Domi au centre, Kotkaniemi, puis Poehling. Puis je me dis souvent qu'on le mettrait à l'aide. Là, tu voyais qu'on avait une belle profondeur. Puis tu ben c'est ça le problème aussi. Le problème de aussi, de pas donner le club aux jeunes. Fallait monter. Puis ben fait ouais, mais Poehling, là, en même temps, on lui a donné son moment. Puis il n'a pas été capable de saisir l'opportunité. Ben puis lui, je pense qu'il y a une valeur. Je pense que ça n'aurait pas été pareil s'il ne serait pas blessé en camp d'entraînement. Je pense que ça a vraiment affecté son jeu. Écoute, non, mais tu sais, on est parti. On est parti de Poehling. On est parti de Poehling qui a scoré 4 goals à sa première game en fin de saison. Non, je sais. Mais. Puis on est arrivé avec un Poehling qui a pogné une commotion, puis tabarnak, là, man, c'était plus l'ombre de lui-même. Puis tu sais, je veux dire, OK, il a scoré 4 goals dans une game qui était sans aucune importance. C'était contre Toronto. Puis, je veux dire... Qui faisait les playoffs, nous, on les faisait pas. C'est exactement. Puis, tu sais, on s'entend que... Quand on a vu ça, tout le monde s'est... OK, à part... Il n'y a pas tant de monde que ça qui s'est emballé pour dire que c'est pas chance de Matthews. À part les fafans qui ont fait comme « Aïe, c'est une malade! » Je veux dire, on savait très bien que c'était un événement isolé, mais on voyait quand même le potentiel du gars. On s'est dit « Ah, Chris! » C'est encourageant. C'est encourageant, exactement. Mais là, tu commences la saison, puis ce gars-là, il fait pas ça un peu, il fait pas ça du tout. Là. Tu sais, il est pas à sa place, pas en tout. Là. Il a besoin de plus. Il a besoin de se faire les dents et d'aller manger de la bande. Ben peut-être. Ben c'est pour ça que la game de mercredi, le Rocket ont gagné 3-2. Ouais, tu disais qu'il avait a fait joué, 3 là. Passes. Ouais, c'est lui que, dans le fond, c'est lui qui a fait les premières passes. Là, mais c'est de valeur ça parce que ça va peut-être. Ben, tu sais, comme là, dans le fond, je me dis, ah, ben, ça serait fun qu'il colle 2-3 belles performances. Mais là, c'est 4-0 pour le club à cause de Kincaid. Là, je pense que les gars sont démotivés et ont arrêté de jouer. Fait que ton plus, c'était Sherrod. C'était Sherrod, mais j'ai peur que Sherrod, genre, ça lance ton bataille et c'est fait. M'a donné mon plus à Gallagher, moi, d'abord. pour l'effort, parce que t'as déjà dit Suzuki que j'aurais donné Suzuki, anyway. Hein. Ben ouais, mais tu sais, Gallagher, c'est jamais un mauvais choix. Mais Gallagher, c'est la bougie d'allumage tout le temps quand ça marche pas bien. Malgré la mauvaise séquence, il y a pas hier, là. Ils ont dit tout fait, sauf scorer à la fin de la game hier. Ah, tabarnak, c'était frustrant. C'était fou, là. En fin de game, là. Ouais. La game du Rocket est rendue 4-2. Merci, Mighty Joe, pour l'update. Bon. Maintenant, c'est le temps de parler de nos moins. Ils ont sorti Kincaid. Oui, ils l'ont sorti, c'est une petite vieille. Ah, fait que c'est Lindgren qui a pris sa place. C'est Lindgren qui a été très déçu, d'ailleurs. Il se disait qu'il était prêt depuis 2017. Bon, là, j'ai lu ça, je vais. Ouais, non, je t'ai vu gauler, puis... C'est quand il y a gaulé qui a remplacé Price? C'est l'année passée, il me semble, puis... L'année passée, il a gaulé le dernier match de la saison. Pour l'année d'avant, c'était le gardien substitut. Non, mais il y a une année que Price... Il y a une année que Price a manqué une coupe de game, puis qu'il a remplacé... Il a comme remplacé Price à la place de faire jouer, genre... L'autre, là. Niemi? Ouais, c'était au mois de novembre l'année passée, justement. C'était-tu l'année passée? Au mois de novembre. Il est tombé à la zone nette. Puis il vient me dire qu'il est prêt en 2017. Calme-toi, le malade, là. Mais on l'a vu gros l'année passée. Il n'était pas prêt. Primo, c'est le troisième meilleur gardien de but des stats en Ligue américaine. Puis Lindgren, Chris, je pense qu'il y a une moyenne de 3 buts d'allouer en Ligue américaine. Lindgren, c'est une grande. On se calme avec Primo aussi. C'est un beau projet, là. Ouais, c'est ça. Il n'est pas là pour prendre la place. Pour prendre la place à Price. Il est là pour juste stabiliser la position de gardien de but parce que Price a besoin d'un break une fois de temps en temps. Logiquement, Primo est là pour prendre la place à Price. Oui, un jour, mais pas là. Dans un avenir éloigné. C'est ça, mais pas là. C'est exactement ça. À moins que le plan change puis que Price se fasse. Ah, si Price demande à être échangé, ben garde, on est correct, on a un Primo. Ça va être un petit peu plus dur au début, mais. Mais plus là, pour l'instant, ça pourrait justement, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être aider même Price si Primo avait des bonnes sorties. Écoute, ça va le motiver parce que la dernière fois qu'on a eu une guerre. C'était contre Alak. Ça fait longtemps. Puis cette année-là, ben, on avait des gardiens qui faisaient Mais juste qu'il faut 50-50. Faut pas partir en fou sur Primo. Dans les deux sens. Faut pas s'emballer en débile. Puis faut pas le blâmer non plus pour les deux. Écoute, hier, on a senti qu'il était shaky. Il était shaky au début. Le premier but. Il a sauvé une coupe de. Mais il a fait un job honnête. Puis Chris, il nous a gardé dans le game au moment. Tu vois que le gars du potentiel. Sur le deuxième but, Ils l'ont envoyé contre la meilleure offensive de la Ligue, là, je pense. Ouais, c'est la troisième plus offensive. Ils sont forts. Puis Rantanen revenait au jeu. Là. Ouais, c'était la troisième évident, plus grande offensive de la Ligue. Puis Rantanen était blessé pour la majorité de ce temps-là, imagine. Puis Landeskog revenait au jeu en plus. Fait que le trio complet était prêt. Mais tu sais, Kincaid, dans le fond, là, sur le deuxième but. Il y a Fred Sauce qui nous a fait chier et tout, là. Ouais, puis Pierre-Rod, il prononce ça tellement. Moi, je comprenais Franck Sous. Franck Sous. C'est comme ça s'appelle dans le Thomas Vaucan. Tu sais, c'est comme ça. Lui, il prononce le mot comme il faut le prononcer. Ouais. Je vais demander aux joueurs. Sur le deuxième but que Primo a alloué, là-dessus, là, j'ai carrément pointé du doigt. Maladie Ty Domi, mais Max Domi, parce que lui, il a reçu un coup de bâton sur la gueule. Mais au lieu de faire sa job de replier, il a laissé carrément le joueur partir tout seul. Puis t'allais voir l'arbitre, il m'a frappé. Mais Chris, arrête pas de jouer, tabarnak. C'était semblable. Quand il a eu le bâton d'en face. Là, mais ouais, oui, il a passé, Chris, elle attaque encore. Là, ouais. Puis on score. Ouais. C'est là l'année qu'on a scoré. Ça faisait penser à Kovalev quand il a reçu une tape sur la main. Puis il a foncé dans Sheldon Story. Mais ça, c'est un signe. T'en souviens de ça? Asti que j'ai sacré ce soir-là. Mais ça, c'est un signe qu'un joueur va pas bien. Quand il se préoccupe plus de, mettons, lui-même puis les arbitres Domi, que ça? De la game, ouais. Bon, ben, c'est un signe que le gars, il est pas content. On est-tu dans les moins GF, là? Ben oui, il faut les fans au moins. Bon, ben, je vais le nommer tout de suite vu qu'on est sur ce sujet. Tu sais, Max Domi me déçoit, il me fait de la peine. Ah, c'est ton moins? C'est mon moins. Ben, Chris, bravo, man. Je suis content. Tu sais, l'affaire que je suis surpris. L'affaire que je suis pas content de lui, là, tu sais, on s'entend que dans le fond, il était dû pour un nouveau contrat. Puis avant que la saison commence. Peut-être qu'il a signé moins cher. Ben, c'est sûr qu'il paye des millions présentement. Tu sais, mais l'affaire qui arrive, là, c'est que en début de saison, il y avait. Tu sais, ils ont confirmé qu'ils négociaient avec Max Domi. Ouais, ouais. Fait que là, on se dit, Chris, on va l'avoir en long terme. Ils ont commencé à faire des comparaisons à combien qu'ils pourraient signer. Mais ils ont pris une décision. Je sais pas qui a décidé ça, mais comme, OK, ben regarde, on va laisser la saison aller, là, puis on va reprendre les négociations l'année prochaine. Bien fait, hostie, hein, parce que, qu'il y a eu deux mauvaises saisons, on a venu avec le Canadien, puis là, on dirait qu'il est rendu qu'une saison comme avant qu'on aille le chercher. Ben, c'est pas si pire que ça. C'est-tu la saison passée qui est une exception dans la carrière à Domi? Ben oui, c'est sa meilleure saison. C'est ça, non, mais. Ben, j'espère que non. Sur le long terme, là, je peux pas le prédire. Ben, là, mais j'espère que non. C'est impossible à prédire. Je pense pas que. J'espère que. J'imagine que je suis un gars de 60 points. Ben, je pense que la saison passée, il a peut-être donné. Je vais dire plus que ce qu'on pourrait avoir de lui en réalité. Mais c'était le meilleur de qu'est-ce qu'on pouvait imaginer. Mieux que ce qu'on aurait imaginé. Je pense qu'il, logiquement, il donnerait un petit peu moins que ça dans une saison normale. Peut-être. Ben, c'est ça qu'on va voir. T'sais? Parce que, t'sais, ben, je pense pas qu'il va avoir des saisons jeune. Comme l'année passée tout le temps. Ben, je pense que c'était une belle saison pour lui. Chris, il a fait plus de points que Matt Duchesne, pareil, l'année passée. C'est spécial. Là. Chris, bravo, puis, man. Dans le fond, ce que j'aime pas de Max Domi, c'est que cette année, il joue pas pour le club. On dirait Domi, il joue pour lui-même. Non, mais sacrément, Chris, il a sorti son livre, sa maladie, genre « Je mange pas de sucre ». Puis là, à toutes les... Tu sais, moi, je suis sur Instagram. Je me promène avec un chien. Avec mon insuline. J'ai un chien, puis je me pique. Mais tu sais, dans le fond, là, il a sorti son livre direct en début de saison. Domi, puis un clochard, ça m'a fait. Puis tu sais, le dimanche, les gars, ils ont congé. Là. Ouais. Mais Domi, là, tout le temps, même dans la semaine, après les pratiques le matin, puis il n'y a pas de game le soir, là, il allait à son, mettons, à un événement pour son livre. Il allait signer les autographes. Il allait jaser avec Je pense qu'il y a le syndrome Subban. Il se la jouait, genre. Pas tant, mais... Il est trop à l'externe, c'est autre affaire. J'irai pas jusque-là, mais par contre, je trouve que choisir tellement mauvais timing pour commencer à faire... Tu sais, à un moment donné, là, quand mettons, là, tu joues une game, idéalement, là, va te reposer, esti. Écrase-toi chez vous, dors. Va pas prendre ta journée de congé pour travailler, calice. C'est pas correct, ça, là. Puis je pense que ça l'a affecté son jeu. Puis là, il panique un peu plus parce que là, il voit les millions s'envoler. Il dit « Ah, Chris, assis mon jet privé, je pourrais pas l'acheter l'année prochaine. » Là, il capote. Mais là, c'est pour ça que, d'après moi, il devrait commencer à se concentrer sur les bonnes choses qu'il faisait puis retrouver le rythme qu'il avait l'année peut-être passée. C'est pour ça qu'il s'est sorti un livre. Il s'est dit, Chris, je vais compenser. Mais c'est-tu parce qu'ils ont baissé la dose de son médicament? Je ne sais pas. Mais non, l'insuline, c'est gros. Là, ton corps, ton pancréas ne fournit pas d'insuline. Ça veut dire que tu as besoin de compenser par une piqueuse. C'est ben pas c'est un médicament. Non, mais c'est pour ça qu'il mange des biscuits. Lui, c'était un insulino-dépendant. Lui, il se shoot. C'est ça. Avec, à la seringue, c'est pas juste des pellules. Là. Non, mais c'est ça. Il est diabétique solide. Fait que c'est pour ça. Avec des roquettes. Je suis déçu. Ça, c'est quand t'es en hypo. Le pire, c'est contre les Rangers. Je pensais qu'il était relancé puis avait scoré deux buts. Je disais, ah, si Domi, enfin, tabarnak, l'œuvre là. Mais écoute, avec la frustration qui se passe, là, la game d'hier, je suis comme sacrément asti. Depuis que Pony sa première pénalité, c'est pas le même gars. Puis il était déjà. Il y avait de la misère, mais déjà avant. Je te dirais même avant, man. Eh oui, depuis le début de la saison. Parce que avant, il était dans la face du monde. Il prenait pas de deux. C'est comme si, dans le fond, ça l'a foqué dans la tête d'essayer de jouer moins robuste. Ben, c'est ça. Et avant, il était dans la face du monde, puis il était pas nécessairement pénalisé. Il était juste dans ta face, puis il était là. Il insultait le monde. Puis là, il est dans la face de personne. Là, il est juste fâché. Il est dans le. Non, en tout cas. C'est triste. Il est dans le dos. Il y a Antoine Sty qui dit GF me fait toujours rire du cash Patreon, bien investi. Merci beaucoup. D'ailleurs, si vous voulez participer à notre Patreon, patreon.com/youngmedia, la plug est faite. Ouais. Voilà. Merci c'est à tous. C'est vrai que ton moins, Dave. Asti, mon moins, man. Tabard. Il y en a beaucoup. Commence en ordre alphabétique. Commence par les numéros les plus bas. Fais-en un autre croissant. Alex Hold. OK, ben check bien. Alex Hold. Bon, le moins facile à donner, ce serait le moins, mettons, de dire ben Price a été bien lent. C'était le joueur du mois. Ouais, c'est ça. Price a été vraiment très mauvais, mais je vais y aller plus large. Je vais donner mon moins à tout ce qui a trait à la défensive. Fait que en partant par Petrie. Ah, oh, sacrement! Puis d'autres. La défensive en général et allant jusqu'au goaler. Parce que tout ce qui est proche du net pour défendre le net est atroce. Atroce. Hey, man! Déjà? On fait les extraits à troisième. On a fait nos moins. Ouais, ça parle les revirements de Petrie, mon gars, là. Hey, il se fait shifter, mon gars. Es-tu fatigué? Je sais pas ce qu'il y a pour vrai. Il a bien commencé la saison. Mais de toute façon, il était vraiment le numéro un. C'est comme il a commencé à jouer plus de minutes que Weber. Hey, au début de la saison, là. Ça allait bien. Je le regardais aller, j'étais comme tabarnak, man. Lui, il est partout ce qu'il avait laissé. Il allait bien. Il lidait le jeu, man. C'était parfait. Ça a duré. Coupe de game. 10-15 games. Ben, je te dirais que. Après ça, mon gars, ça a été la débandade. Depuis la défaite contre des Devils. Écoute, man, c'est. Hey. Mais la défensive en général, tu sais, puis. Ça, je dis, Petrie est atroce, mais la défensive en général est vraiment merdique, là. Puis ça passe par Price et tout. Price est pas capable de nous sauver une game. Là. Ben, la question que je me posais, dans le fond... Là, moi, c'est ça qui me fait un peu... Ben, Price, c'était mon moins. Mais dans le fond, la question que je vous demande... C'est ton moins? C'est mon moins de la semaine. Ben, mes deux moins, c'était Petrie et Price. Mais Price, pour vrai, tu peux pas laisser autant de games de 4-5 buts et plus. Surtout quand c'est ça ton meilleur joueur. Ouais, c'est ça. C'est ton joueur de concession qui se peut être ton goaler dominant. Puis là, c'est. Tu comprends que la défensive est pourrie devant lui. En même temps, j'essaye de le défendre, mais je ne suis pas capable de le défendre complètement parce que. C'est comme ton dernier ressort. Tu sais, quand tout va mal. Il est supposé de réparer les erreurs de tes. C'est lui qui est supposé d'être là pour finir la job et se dire OK, mais, okay mais, vous, mais, vous m'avez mais laissé tomber, moi je vous laisserai pas tomber. Mais c'est ça, mais mettons que. Mais il le fait pas. Tu sais, quand Price il est en forme, là, ça se peut-tu, genre, mais ça se, pas, ça se peut pas, je pense que c'est. Ça se peut-tu qu'il faut plus. Il cache les faiblesses de la défense. Il se fait des métisses partout, genre. Puis là, Price, là, maintenant, mais tu sais, il y a de la misère. C'est, là, c'est fond, sûr que ton goaler peut cacher les faiblesses de la défensive s'il fait des arrêts clés. C'est ça. Puis plus genre, tu perds de game, plus tu deviens furcé, plus tu fais des erreurs stupides. Écoute, à un moment donné, là, on s'entend que Shea Weber, c'est un bon défenseur dans la Ligue nationale. Ouais. Puis il a sa meilleure saison en offensive. T'avais Nikita Gutsev des Devils qui était en avant de lui, est-ce que c'est drôle ce nom-là, tu trouves? Je sais pas si c'est tant drôle ou c'est de la façon que tu le dis. Je sais pas si la prononciation. En tout cas, Nikita Gutsev qui jouait dans Die Hard, lui, il s'en venait avec le puck. Toi, tu parles de Hans Gruber? Non, mais le blond là qui se fait pendre. Là. Ah! En tout cas, wow. Genre, soulever du sujet. Ah, c'est-tu que c'est bon, ça? Nikita Gutsev. Chris, Nikita Gutsev. Il y a le puck, il s'en vient, puis là, Weber, genre, il est devant lui, fait que Weber, genre, il check. Chris, Victor Mété, là, il a décidé de laisser tomber son joueur de son côté pour aller aider Weber, qui est en plein contrôle de ce qui se passe. Nikita Gutsev est devant lui. Il rentre dans la ligne bleue. Puis Mété s'en va genre sur Gutsev. Pendant que l'autre défenseur, Damon Severson, il était tout seul. Fait que Nikita Gutsev, c'est un playmaker. Il a fait une passe, quoi qu'il s'appelle, donc Damon Severson. Puis c'est là qu'il a scoré le quatrième but. Puis c'est là que Price, il a pété son bâton. Oui. Ah oui, sur son genou, là. Oui. Ça, c'était c'est, beau, man. Écoute, c'était des erreurs d'attardé mental. Mais ça, là, tu vois, ça, j'aime savoir ça. Sauf que j'en aimais ça. Ou des non, okay, non, les bâtons pétés. Non, mais que Price, il se fâche puis qu'il pète son bâton. Mais quand je vois ça, j'espère que la game d'après, il va avoir un spark. Mais il n'y en a pas eu. Ouais, ça ne l'a pas proposé. Mais c'était pas lui qui gaulait. Pour l'équipe. C'est la prochaine game à lui, ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand ton goaler principal qui est en plus ton meilleur joueur, pète son bâton. Ça, c'est un message à tout le monde, là. Il est en tabarnak. C'est un peu notre leader. De nos leaders. J'espère que le goaler des Bruins a pris des notes pour celle-là. Comment briser un ouais, bâton. Rask, lui, il a de la misère. En tout cas, Rask, lui, il fait juste tomber à terre. C'est comme le... Comment il s'appelle, donc, dans les Boys, est-ce qu'il n'est pas capable, là? Fernand? Non, c'est Fern, ouais, c'est non, Fern. Non, pas Fern. Hein? C'est lui qui peut aller le péter sur le saut. C'est qui frappe sur le bâton? Il n'est pas capable de péter son bâton sur le poteau d'un boy. Peut-être pas Paul, je me rappelle. Ah, c'est pas Rock La Fortune? Non. Julien, ouais. C'est lui? Ah, je sais, pour vrai, je le Non, pas, je pense que c'est trop long. J'ai un blanc. Je pense que c'est Huard, pour vrai. C'est Huard? Je pense que c'est Huard. Huard le pète, non? Ouais, il y en a un qui est pas capable de le péter. En tout cas, whatever. Hey, regarde, on a un autre challenge pour le chat. Il demande est-ce que c'est le personnage de Luc Guérin? Peut-être, mais il me semble que non, parce que Luc Guérin, il est arbitre dans ce temps-là. C'est pas Méo non plus. Non, Méo, c'est plus loin. Méo, ouais. Méo la clap! Méo, c'est à la fin du 2. Pour un petit sac. Quand il était poudre. À Chalier. Ça me prendrait ça sur le soundboard. Wow! Dégraché. Oui. T'es champ pour un petit sac de poudre. ça sera bientôt sur le soundboard. D'ailleurs, il y a un fan qui nous a envoyé un extrait audio. Oui, l'affaire de Claude Julien. Ouais, je l'ai pas pris encore, là, mais avec respect, on s'en fout, là. Faut que j'ajoute ça. Ouais, ça. Ah oh, ouais, c'était carrément là. Wow, merci à notre fan. On va le mettre sur le soundboard éventuellement. Fait que c'est quoi qu'on disait? Nikita Gutsev. Oui. Nikita Gutsev. On t'écoute. Mais non, mais c'est ça, j'ai fini par dire que c'était Price, il était en crise. C'est ça, fait que c'était nos moins. Il avait son bâton. Fait que c'est ça. C'était nos moins, c'était la deuxième période. On bosse les périodes. Mais il y a Antoine Sty qui dit on veut une édition ultra de LSDP. Il y a trop de bons stocks à soir. Écoute, ça va être ultra en Sty, là. Il va rester les extraits audio de Claude Julien Around the NHL, puis il va avoir un call-out. Fait que c'est sûr que la troisième c'est va bosser. Sûr que c'est reste ultra. À l'écoute, Antoine. Mais on va tout vous faire ce qu'on avait prévu de faire quand même, malgré. Matt Lamar, tabarnak. On revient après la pause. Yeah. On est de retour pour la troisième période. Puis on a des extraits audio la troisième période. C'est pas Around the NHL. Ça sera après. Après, avec le juggling. Avec Whit Grelot. Mais en fait, ça tombe bien parce qu'on a justement trois extraits de Finalement, aujourd'hui, on boit en troisième. Ouais. Faites comme nous à la maison et puis buvez en troisième. Ouvrez-vous, débouchez-vous deux, trois bières là, parce que c'est là qu'on part. Trois extraits de Claude Julien et les trois viennent de trois moments différents. Donc, ce sera après trois matchs. Et le premier extrait de conférence de presse de Claude Julien après la défaite contre le New Jersey. Cette défaite-là qui était le... Je pense que c'était après le podcast, mais pas dans notre séquence. Donc, on va l'écouter pareil. La première défaite contre New Jersey? Ouais. L'effet de Siska. Ou celle du 28. Quand Nikita Kutsev avait fait une belle passe. Le 28, oui. Le 28. J'avais pas vu, mais donc voilà. On a demandé à Claude c'était quoi le problème. C'est un long extrait, ça, là, fait qu'on va le laisser. Claude, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème, mon Claude? C'est sûr, quand tu regardes, tu sais, le nombre de lancers qu'on a eu au but, le nombre de buts qu'on a marqués, on sait qu'offensivement, le problème n'est pas là. Le problème, c'est sûr que c'est défensivement, avec les décisions qu'on prend, puis c'est frustrant aussi pour nous de voir ces choses-là, parce que on regarde les décisions qui ont été prises, on se demande, c'est pas ça qu'on enseigne, c'est pas ça qu'on veut. Alors, est-ce que c'est encore là la frustration qui prend le dessus du focus de ce qu'on doit faire? Puis, de temps en temps, quand tu essayes dans trop en faire, tu empires les choses. Alors, tu sais, je vais le dire une autre fois, puis autant que après 6 défaites, là, que peut-être c'est pas tout le monde qui va digérer ce que je vais dire, là, mais les gars dans le vestiaire, ils veulent bien faire. C'est pas parce qu'ils veulent pas bien faire, c'est au contraire, mais peut-être qu'ils veulent trop. C'est ce qu'on essaye de faire comme groupe d'entraîneurs, c'est d'essayer de calmer les choses pour qu'on prenne les meilleures décisions. Encore une autre fois, on commence avec un bon début de match, en première période, comme d'habitude. Puis on finit par donner un surnom, deux buts marqués. Alors, on sort en deuxième période. Encore là, on amène la rondelle creux le territoire. On a deux défenseurs qui changent, pensant que la rondelle est creux le territoire. On tourne la rondelle, on donne un échappé. C'est que, tu sais, en bout de ligne, là, les surnoms, puis les décisions qui sont prises sont ce qui nous coûte des matchs. Là. C'est tout relié à notre jeu sans la rondelle. Creux dans le territoire. Fait qu'on n'est pas bon sans la rondelle. On n'est pas bon creux dans le territoire. Creux dans le territoire. Hey, j'aimerais juste ramener un tweet que j'ai vu passer sur... C'était quoi ça? Sur Internet aujourd'hui par rapport au fait que ça a l'air qu'ils ont cancellé le... Ils ont comme stoppé la promo de deux pubs de Bergevin. Les rumeurs sont parties. Est-ce que Bergevin il va se faire éclairer ou whatever? Puis il y a un des commentaires dans Twitter que c'était si Bergevin perd sa job, gang de McDo, est-ce que McDo peuvent sortir les frites Claude Julienne? Est-ce que c'est bon? Puis moi, là, ça, je trouve ça très drôle. Ouais, ouais, Chris. Hey, des frites Claude Julienne, moi, là. Ça aussi, j'en reviens pas quand il n'y a pas pensé. Ça serait écœurant, pareil. Moi, ça vient me chercher. Hey, s'ils font des frites Julienne chez McDo, moi, y aller. Mais leurs frites, c'est des Julienne. C'est pas grave, un bocal. Qu'est-ce que tu fais? T'enlèves le sel ou tu t'enlèves du respect? Des juliennes, c'est juste que c'est tranché. Je sais pas les juliennes, mais c'est garant. Ça avec un bon moment. Parce que tu sais, il faut-il quelque chose de spécial? Ben, rajoute-y, je sais pas, un peu de persil, ou la ciboulette, puis des fromage râpé. On a scoré tabarnak. Hey, c'est 2-1 pour le Canadien. All right! Il reste une minute à... On est à une minute de la victoire. D'ici la fin du podcast, mesdames et messieurs, vous saurez une game de plus. Fait qu'ils ont enseigné à bonne affaire cette fois-là. Je sais pas qui a scoré. On va voir un gars qui a une moustache. Ah, c'est Thompson. D'ailleurs, le Canadien a scoré le premier but, fait que vous pourrez aller chercher vos frites Claude Julienne chez McDo. Hashtag Claude Julienne. Tout est là. Faites juste taguer McDo puis marquer hashtag Claude Julienne. Ah oui, ça va être d'après ça à McDo. Puis taguer LSDB aussi. Bon, deuxième... That was me! Deuxième... C'est même pas nous autres. En plus, on a juste pris quelqu'un qui avait écrit ça. C'était incroyable. Je trouvais juste trop... On nommera pas son nom. Non, on le nommera pas. C'était merveilleux. Deuxième extrait après ça, conférence vendredi le 29 novembre. Et puis ça, c'était la game. C'était après la défaite contre les Devils du New Jersey. Encore? Ça a l'air parce que là, c'est vendredi 29. Fait que c'est peut-être une autre fois, mais en tout cas, c'était peut-être. Je sais pas si c'était le même extrait. Peut-être dans la même conférence. Non, ça, c'est tout trois vidéos différentes. Bon, ben écoute. C'est quoi le sujet? Comment va Carey Price? Ah, ça, c'était le lendemain de la défaite contre les Devils. C'est ça. Donc, c'est pour le même match. Non, c'était le lendemain. C'est un autre jour après. Oui, mais c'est pour le même match. C'est après le même match, mais c'est pas la même journée. L'autre, c'est la conférence après match. Ouais, après ça, c'est la journée là, après. Là, il a fait dodo, puis là, il a fait une conférence. On s'en fout, le fun, c'est de l'écouter respirer fort dans le micro. Ah. Fait qu'on lui a demandé comment ça va. Comment il va, Carey? Je te dirais qu'il est aussi frustré que tout le monde. C'est aussi simple que ça. Carey Price n'est pas différent du restant de l'équipe ou des entraîneurs. Si c'est frustrant de perdre 6 matchs d'affilée, là. Il n'est pas différent, différent du restant de l'équipe, disons. Alors, c'est de cette façon-là qu'il est présentement. Puis, quand on regarde ce qui se passe, ça peut être frustrant pour lui aussi parce qu'on a vu des buts que, normalement, Carey Price peut arrêter, mais on a aussi vu des gros arrêts de Carey Price. Ce qui est frustrant, c'est qu'à un moment donné, il faut être capable de l'aider un peu. Puis hier, là, quand tu regardes le nombre de surnombres qu'on a donné, on ne l'aide certainement pas. Alors, ça revient encore à la même chose. C'est un aspect d'équipe. Ensemble, on va s'en sortir. Puis c'est à tout le monde de faire leur travail de la bonne façon. Des gros arrêts. C'est sûr que si la def chie, puis les gars, c'est pas le plan de match, puis qu'il y a des pénalités douteuses, puis des revirements, à un moment donné, Price peut pas tout faire non plus, mais... Là, il faut juste que tu remettes le début du show, puis que je dise, mettons, genre, « Hey, Claude, comment va Carey? » Oh my God, man. Il sort pareil. Hein? Comment qu'il va, Carey? Ben, je sais pas, écoute. Man, Claude, là... Il est merveilleux. Il est du bonbon. Terrien était du bonbon, puis Claude est du bonbon. Terrien nous a donné du stock merveilleux, mais Claude, il donne... c'est comme des... Il donne pas sa place en calice. Non. Mais c'est parce que c'est plus subtil, un peu. C'est... Tu vois, c'est... on est à une seconde de la victoire. C'est dans le détail. Fait que juste relater une chose. Price, il y a deux victoires en ligne. Oui. Hein? Price, il y a deux victoires en ligne contre la région de New York. Oh... Price est hot à New York. He's back. Ouais, mais c'était à Montréal, l'autre game. Non, mais quand on compte les. Je dis Islanders, puis. Ouais, bon, on a compris. Okay, on a compris. Je suis sûr. Les Islanders qui savent pas où jouer. Alors, et dernier extrait, et puis cela était après le match contre les Flyers. C'est marqué un pas vers l'avant. Woohoo! Quasi même de gagner contre les Rangers, d'ailleurs. Bon, les gars sont contents. Thompson était content de... Il a shaké le Suzuki. Il a zigné Suzuki, là. Ben, solide. Quand le Canadien gagne, Thompson, quand il rentre dans la chambre, là, il fait son gigolo. Il shake à caquette, là. Puis après ça, il se frotte sur le préposé d'équipement. OK, il va y avoir des allégations bientôt, là. Ouais, dans la période MeToo, là. Ben ouais, le pire, c'est que c'est tout le temps sur l'Instagram des Canadiens. Fait que tu sais, c'est tout le temps filmé, ça. Bientôt, ça va tôt. Ça va concerner les joueurs. Check bien ça, ça s'en vient. Thompson était inapproprié. Il pognait les pénis. Ben, le gars l'a proposé. Il dit, ah, Chris, ça doit être juste la coquille, esti. Écoutons, Claude Julien nous parler de un pas vers l'avant. Je te dirais pas satisfait, mais beaucoup mieux cet après-midi qu'on l'a été dernièrement. Défensivement, j'ai trouvé qu'on a fait du bien meilleur travail. On a une équipe quand même qui est dangereuse offensivement. Puis alors on a limité les chances de marquer beaucoup plus qu'on le fait, surtout le genre de qualité. C'est que de ce côté-là, c'était un pas de l'avant. On est allé chercher un point. C'est mieux qu'aucun qu'on a dernièrement. Alors, il y a des choses qu'on peut bâtir dessus, puis d'essayer de rebondir demain à Boston. Il y a une game qui est partie en arrière. C'est ça. Parce qu'ils l'ont parlé pendant la game. Là. Hey, Claude, il était chez eux avec son PS4 d'ouvert, puis il s'est passé une game de NHL. Fuck up. Bon, ben, c'est les extraits de Claude Julien. Donc, Claude qui back ses gars et défend son équipe. Ben, comme un bon papa. Comme un bon, ben oui, c'est ça. Ouais. Il fait son travail de coupe. Il fait son travail de coach. Après avoir dit, genre, on sait tout que le problème, c'est la défensive. Après ça, il dit, ben, c'est sûr que, tu sais. Il parle comme un petit vieux, hein. Il parle comme. Ben oui, comme, il a l'air. Puis, vous remarquez qu'il laisse pousser ses cheveux. Ouais. Quoi? Il laisse pousser ses cheveux sur le côté. Là. Ben non. Ouais, je te dis, écoute, c'est blanc. Et sur ça, on va aller faire le tour de la Ligue nationale. Mais moi, je l'aime Claude quand il est rasé et qu'il a comme une barbe. Ben là, il y a un pinch. On dirait qu'il a pas eu le temps. Il a l'air de Steve Austin, ouais, c'est ça. C'est ça, mais là, on dirait qu'il a pas eu le temps. Là, il a juste l'air de boule dans Harry et sa gang. Ah, non, c'est fou, là, parce que c'est blanc, blanc, blanc, blanc. Là, il vieillit, le petit Claude. Là. Quand vous tapez dans le truc de GIF sur Messenger, Claude Julien, il y en a un que c'est un morph de lui. Ouais, c'est une transformation. Dans Harry et sa gang, c'est tellement bien fait. Et c'est parfait. Et sur ça, on va aller faire le tour de Ligue nationale. Around the NHL. Magie du temps le des Père fêtes. Père Noël qui est parmi nous. La journée est faite. On a même un petit rain, hostie. Hey, ouais, on va le mettre sur la caméra numéro 1. C'est notre décor festif. Ça se peut que je vais laisser ça à l'année, en fait. Ben, cool. Ben ouais, en fait, pas. Si je l'enlève, je vais mettre une photo de Réjean Houle. Nice. Ok, c'est vrai. Quelque chose du genre, là, tu sais. T'en as pas une encore ou... On avait une au live. C'est à l'arcade. C'est à l'arcade MTL qu'il y avait ça quand on avait fait le live. Fais-toi-en une. Sinon, je vais m'en faire une que je pourrais changer la personne Peanut. Dedans. L'employé de la semaine, genre quelque chose de genre. Hey, Peanut, c'est wow, lui que man! Ça être ça, là. Oh, si. Hey, Peanut, le pire, c'est que dans le temps qu'il était genre, comment je pourrais dire ça, porte-parole de la Canadienne de Montréal, quand il faisait l'arrêt d'autobus pour aller à Québec, mais quand il y avait une crevaison sur les tires, c'est Peanut qui allait charger les tires. Eh oui, j'ai lu ça dans le livre de Patrick Roy. C'est pour ça que quand il a su que lui, que Peanut était rendu directeur général, il a craché. Il a pris le gars. Il disait hey, ton nouveau DG, c'est Peanut. Ah, lisez Le Guerrier, c'est le père à Patrick qui l'a écrit justement. C'est très bon. Magique. Au tour de la Ligue nationale, quelques sujets ce soir, messieurs. Le coach des Devils, John Haynes, a été congédié. Mais ça va pas bien avec les Devils. Piqué souvent va pas bien. Non, puis le pire, c'est qu'ils ont fait plein de moves. Piqué est atroce. Je l'ai dans mon pool en plus. Change-moi ça. Moi aussi, je l'ai fait. Puis le pire, c'est que je l'ai changé. Non, parce que ça me donne rien parce que je suis mieux de pogner un joueur qui fait des points. Dans ouais. Comme ça, parce qu'un défenseur, c'est pas super payant. Ben, écoute, je pense que dans la catégorie de Subban, écoute, j'espère que je me suis trompé. Là. Je pense que John Carlson. Fait que c'était mieux de faire un échange. Non. En tout cas. J'y avais d'avoir une vision. Ouais. OK. D'accord. Mais, non, c'est écoute, ça fait dur en tabarnak, là, honnêtement. C'est voilà. Écoute, depuis que le nouveau coach il est là, les Devils sont atroces. Mais sauf pour le Canadien. Pas longtemps qu'il, ben là, il est plus là, là, mais ça faisait pas longtemps qu'il était là. Il était là... 2 ans? Ben, quand ça commençait à aller mal, là. Tabarnak. Ça, depuis, ça dit pas grand-chose. Depuis que Brodeur est parti. Ah non, ben, je veux dire... écoute, je pense qu'il a commencé l'année passée, il a pas fait des séries. Ça fait un an et demi qu'il est là, je pense. Un an et demi? Ouais, puis il a comme dit non. 183 jours. Voilà. Ça fait un an et demi? Non. Absolument pas. Ouais, ça me semblait aussi. Fait que c'est ça. Fait que, non, merci, bonsoir. Puis le pire, c'est que est-ce que Chéreau a pris les bonnes décisions en voulant réunir le groupe de rap The Redmen? Le groupe de rap? Il y a Subban qui est là. Que, écoute, Subban, il est méconnaissable. Ouais, on a Antoine Stee qui dit que Subban est plus mobile. C'était sa force à l'époque. Puis effectivement, que c'est grosse que small maintenant. Ah non, puis c'est. Subban, là, il a pris. Puis pourtant, je comprends pas. Il s'est entraîné avec Lindsey Vonn. Ouais, mais il a pris du poids. Ouais, mais il a pris de la masse, j'ai l'impression. Il est trop gros, trop musclé. Et j'ai toujours trouvé qu'il avait un gros cul. Bon, mais non, c'est sûr. Ben oui, mais c'est un attrait. Tu penses que c'est des gènes? Ouais. Okay. C'est très génétique. Mais tu sais, comme Wayne Simmons, c'est pas le Wayne Simmons qui avait appelé ça. Puis tu sais, j'adore ça, là. J'étais un gars de cul, moi. Fait que, mais c'est pas. Celui à Subban, Non, mais je parle en général pour les personnes de couleur foncée. C'est pas rare qu'ils ont des postérieurs un petit peu plus proéminents. Mais ça, c'est comme des poires. Pas des poires, des belles rondeurs. OK. Mais c'est ça, ben c'est et, ça. Et, bien enveloppé, une bonne fesse. Écoute, David, toujours fan des BBW. Jack Hughes, moi, j'aime BBW. Jack Hughes, qui était comme supposé être le prochain Mike Modano. Calisse, les comparaisons tout le temps. Ben, c'est les médias. Ouais. Puis tout est ramène. Ben, faut que je le rappelle, Chris. Faut que tu cites qui a sorti. Jack Hughes, il n'y a pas une saison, genre, à l'image d'un premier choix. Des calvaires que non, man. Et Chris. Lui, ça a commencé à se casser. Là, en plus, il est blessé. Il est encore blessé. Il vient de se blesser, mais tu sais, lui, dans le fond, la controverse a commencé cet été. Il a l'air d'un gamin. Oui, il est jeune. Non, mais tu sais, mettons. OK. Tu sais, KK, il a l'air d'un kid. Ouais. Lui, il a l'air d'avoir 12 ans, Jack Hughes. Ben, c'est vrai qu'il était pris dans une controverse cet été, Jack Hughes. J'avais vu ça. Oui, quoi. Il est. Mais genre, il y avait comme un party. C'est pas une mineure. Il était sur un balcon genre, pendant un genre de spring break, là, puis il a gueulé « Show me your tits » à une fille, genre, puis ça a fait comme le tour de la Ligue nationale. Le Chris. Puis le monde a dit « Ben là ». Fait que là, je sais pas. Ah, mais moi, tu vois, le Matthews a dit « Hold my beard ». il est allé se baisser culotte devant une militaire. Non, mais tu sais, c'est ça l'affaire, Rasti, c'est qu'on est dans un... On est dans un air où ce que... Tu peux plus rien faire, c'est ça que ça te retombe dans la face. Genre, tu peux plus être jeune puis vivre, faire des niaiseries parce que... Tout est filmé d'un. Tout se sait, tout se dit, tout est pas correct. Hey, tabarnak, attends un peu. Tout le monde a su que tu peux plus battre un chauffeur de taxi quand ça te tente. Je l'ai peut-être jamais dit « show me your tits », là, mais tu peux pas t'imaginer le nombre de fois que je l'ai sûrement pensé, man. Ben, c'est ça, mais tu peux encore le penser. Il écrit haut et fort. Je le pense encore sûrement souvent. Il était filmé, puis le pire, c'est que genre, t'entendais super bien. Je sais pas, c'était quoi, il était Mikey, là. Il a 18 ans. Show me your tits, il sent encore le pipi. C'est sûr. C'est sûr. Ah, c'est clair qu'il reste un petit peu de baratin des bas d'école. Là, c'est pour ça qu'ils veulent convaincre d'avoir Taylor Hall à long terme. Mais là, Taylor Hall, il a dit comme « fuck you, moi ». Il veut pas signer là, man, tabarnak, c'est sûr. Qui c'est qui voudrait ben, ben justement, tu parles de Taylor Hall. Il y a Rich Hero qui confirme aux médias qu'il écoute les offres pour Taylor Hall. Ah mais en m'en venant dans le char, j'écoutais la game sur 98.5. Qu'est-ce que Martin y a dit? Hein? Il parlait de l'avalanche. Taylor Hall, ça a l'air qu'ils ont un intérêt pour... L'avalanche a de la place à masse salariale. C'est ça. Ils ont eu deux choix de première ronde l'été passé. Ils ont les moyens de le payer. Honnêtement, je suis Taylor Hall. Tu me donnes le choix entre bien des teams, puis je regarde l'avalanche. Là, puis ben, il y a une chance d'être peut-être aller gagner. Si le cash est là, là, je regarde l'équipe, puis je suis comme écrire s'il y a du talent, puis il y a du jeune talent. Là. Oh, je ne sais pas si ce serait le genre de gars que je signerais à long terme, par exemple. Parce que. Je donnerais 5 ans. McKinnon, il va être. Si Taylor Hall signe un contrat, mettons 7 ou 8 ans. Je donnerais 5 ans. Entre-temps, McKinnon va devoir. McKinnon, tu sais quoi qu'il est payé par année? Il doit être genre 6-7. Pense qu'il en vaut 12. McKinnon, mais oui, Chris, oui. Ben, si McKinnon, Taylor Hall signe un contrat de 7 ou 8 ans. Ben, est-ce qu'il en vaut 12? Non. Personne vaut 12 millions. Ben, il vaut au moins 11,5, disons. C'est une question d'offre et de demande. C'est que c'est un sport, puis il y a de la demande. Un médecin mériterait un meilleur salaire qu'un joueur de hockey, mais il n'y a pas d'offre et de demande pour un médecin. Ouais, hein? Peut-être qu'ils font plus. C'est un. Ouf, pour la table. Peut-être. Mais 11 millions? Non, crissement pas. Là. C'est ça, puis. Mais ça se peut. Mais anyway, l'affaire qui est. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il mérite, comparativement aux autres salaires de la Ligue nationale? Oui, parce que c'est un tabarnak de stud. Le pire, c'est qu'à Toronto, les médias lui ont posé la question parce qu'ils ont dit hey, toi, dans le fond, quand tu ne trouves pas que tu es une aubaine dans la Ligue? Puis il a dit moi, là, quand je vais être pour renouveler mon contrat, mais je vais signer un contrat moins élevé parce que je veux gagner la Coupe avec mes coéquipiers. C'était comme genre. À Toronto, il pose ça. C'est comme, je trouvais, genre, une petite flèche envers les jeunes loups de Toronto là, qui ont tous signé des gros salaires là, à 11,5 et 10,609. Ça va clairement leur tomber dans la face. Mais non, écoute, Taylor Hall, c'est sûr que c'est logique pour Colorado. Mais plus... Tu sais, genre, s'il échange là, sa valeur est plus élevée que s'il attend à la dernière minute. Mais tu vois, puis je lis le commentaire, là. J'ai un peu un commentaire, un préjugé dans ce sens-là par rapport à Hall. C'est pas un joueur tant qui m'attire, moi, Hall. Il dit que Hall n'a pas l'air de vouloir se forcer jamais. J'enlève pas son talent. C'est un marqueur de 30 buts. C'est parce qu'il est souvent blessé, man. Dans une bonne équipe, c'est un marqueur de 30 buts. Mais c'est pas le genre de joueur que je trippe tant. Jamais capoté quand il était avec les Oilers. J'étais comme, ah, je sais pas, Taylor Hall. Je trouve qu'il avait l'air d'un babouneux, asti, genre, c'est moi, Vedette. Ben, c'est un quand, party boy puis, à Edmonton. C'est pour ça qu'il a changé. Quand il est arrivé, quand il est arrivé d'autres vedettes, parce que asti, les Oilers, dans ces années-là, Chris, ils repêchaient des vedettes à chaque année. Ça là, allait pas asti. Plus. Puis quand il arrivait une autre vedette, Taylor Hall, j'avais l'impression qu'il faisait comme, asti, lui, il vient d'arriver, Chris, c'est moi la vedette. Il avait l'air de ça, on aurait dit. Il avait comme une attitude de même. Mais ça, c'est peut-être juste ben moi. C'est une des raisons pourquoi il a été changé de Edmonton. C'est parce que c'est vrai que c'est un party boy puis qu'il avait une attitude qui laissait à désirer. Ben, ça me surprendrait pas. Les Devils, ils l'ont eu pour Adam Larson. On s'entend que c'était pas genre. Ils n'ont pas eu la lune pour là, les Oilers. Ben, tu sais, d'accord. Là. En tout cas, je trouve que c'est une gaffe. Là. Mais c'est sûr et certain que c'est le joueur qui va être le plus convoité pendant d'ici la date limite des échanges. Mm-hmm. Puis j'ai hâte de voir si. C'est clair parce il que vaut plus c'est, ou moins c'est que Mark Stone qu'est-ce que ça leur a coûté à Vegas quand ils ont été le chercher. C'est ça que je me demande. Ben, Mark Stone, je pense que. Lui, c'est parce que c'est un contrat à long terme. Puis ils ont donné leur meilleur prospect. Puis un choix de deuxième. Mais Mark Stone, je prendrais plus un gars comme Mark Stone avant, je pense. Il est plus complet. Peut-être, ouais. Moins babouneux. Moins babouneux. Ouais. Il y a plus une tête carrée. Il y en a un qui est envoyé en punition hier. Radulov a été rayé de l'alignement contre les Jets. Puis les Stars ont gagné quand même 3-2 en prolongation. Tous ennuyés de Montréal en tabarnak. C'est vrai qu'il punit en ce moment là-bas parce que, je sais pas, une mauvaise éthique de travail. Ben, il pointe pas à des meetings. C'est ce mélange de tout. Puis il y a juste 15 points en 29 games. Il manque deux palettes. Il y a beaucoup de vétérans qui produisent pas. Juste 15 points en 29 games. Puis tu le bends, je trouve. Honnêtement, non, je trouve c'est le ça, move, pas juste être ça. Je trouve le move fort. Si on parle juste de points, là, je trouve le move quand même très fort. Là. Je veux dire, les gars, ben, il y a 15 points en 29 games. On le scratch. C'est ça qu'ils ont relaté. Il fait un point aux deux, il envoie un message. Il fait ça, un point que... aux deux games pareil. Ça veut dire qu'il finirait avec une quarantaine de points dans l'année. Mais pour un gars à 6 points, 750, je sais que c'est pas ça qui devrait te produire, mais c'est quand même pas dégueulasse. Il y a des joueurs. Tu le benches pas parce qu'il fait juste. Il y a des joueurs qui vont te donner moins que ça, puis tu les bencheras pas. Là. Il y avait quand même quelque chose de plus que juste ce petit peu. Il doit être un peu flan mou, tu sais. Il n'y a pas le temps d'écouter. Il n'y a pas des meetings tout le temps. Non, c'est ça. Peut-être qu'il sent l'ivrogne aussi. Il sent l'ivrogne. Il sent Robin. Mais c'est pour ça, mais tu sais, le pire, c'est qu'il est à la moitié, à mi-chemin de son gros contrat. Fait que, écoute, imagine, mettons, je sais pas, moi, s'il va en patte descendante, puis ça revient plus comme c'était avant, là, ça devient un mauvais contrat pour Dallas. Puis on va, puis là, on va avoir nos petits fafans là, qui vont dire « On aurait dû le prendre à Montréal. » Imagine si ça aurait été comme... C'est parce qu'il aimait ça jouer à Montréal, c'est pour ça. Ouais, mais mettons, c'est à lui de signer ici. On revient ça de bord, puis mettons qu'il signe à Montréal, puis que là, ça arrive. Comment tu penses que le monde aurait réagi? Là, ça serait la panique générale. Échange-moi ça, reconstruction. Bergevin, move de cabochon. J'en veux pas de ton Big Mac. Bergevin, amène-moi des frites, Claude Julien. T'as valé mon punch, mais j'ai pris une gorgée. Ça, c'est le sens du timing. Il reste deux trucs, dont un vidéo, en fait. On va checker tout de suite. Thornton qui punch un goaler. Toujours fun de voir Big Jimbo frapper du monde. Ben dans oui, la face. C'est un king. Et, ah, ça, c'est Mrazek qui plonge comme un joueur de soccer. Genre. Oui, tel un Européen étendu sur la glace. Ouais, regarde, son il y a une vraie mais il l'a punché dans la gorge. Non, il punch sur le casque, premièrement. On va le voir okay. En plus gros bientôt. Avec un casque de goaler. Mais ça a dû sonner, mais pas genre. Non, hey, tabarnak, lâchez-moi là. Non, mais j'ai dit, il y a un casque de goaler, il y a des gants de hockey. Hostie, il a pas arraché la tête. Là. Regarde bien le punch. Là. Je l'ai checké une couple le de fois. Le goal l'a comme slashé puis il n'a pas aimé ça. C'est pas si peu que ça. Okay, il l'a juste j'avoue. Poussé sans c'est comme les genre. Il recule. Il recule. Pas en gros, là. Non, mais il recule puis il se laisse comme choix. Après, il se donne comme un élan pour se laisser tomber. C'est vrai que quand il a dit comme le pète quand il est tombé. On va le voir. Il y a comme un délai. Ça fait pas grand chose. Il y a comme un délai. Le punch hit. Il recule la tête un peu, mais après ça, il fait comme... Ah! Il aurait pas avoir un 2 pour appeler les chemins. C'est ça, il n'y a pas rien eu. Hein? Non. Ah, il aurait pu avoir un beau 2. Puis ils ont gagné tabarnak. Hey, man, le Swanex, on va le voir. Mais ça, c'est juste my two cents. Mais c'est rare de voir un joueur puncher un goaler, par exemple, de même. Là, honnêtement, ça là... C'est pas ça souvent, me semble. La dernière fois que j'ai vu genre de grave avant un gardien de but, c'est quand Lucic est rentré genre dans Ryan Miller. Ben ça, c'était beaucoup plus violent. Ah, oh, c'était graine, là, sérieux. Là. Thornton est revenu, il s'appelle Barbe Grise. Ben, qu'est-ce qui était graine, le move de Thornton ou le coup de bâton de Mizar? Non, le plongeon. Ouais, le l'après. Ok, c'était graine, là. Il aurait dû enlever son casque puis dropper les gants à la place. Hein. Ça aurait été un move plus logique. Moi, j'espère qu'il s'est fait intimider après. Dans la douche? Ouais. Avec des savons dans des têtes d'oreilles. Il a essayé de se lâcher avec son gros cordis de bâton. Si Bill Peters aurait été là, crée-moi qu'il aurait senti le dildo en esti. C'est juste le casque qui bouge, tu sais. Il aurait dit mon tabarnak d'Européen de calice. Voilà, fait que c'était le moment Big Jimbo pour l'épisode. Oh my God, man. Sérieux, là. Ah non. De toute façon, moi, regarde... Ça vient zéro. Ça me fait fuck out. Ben en fait, ce que j'ai trouvé drôle, c'est les préposés de l'équipe après ça ont fait une trace comme de gars morts à terre sur la glace pendant la pratique de la game d'après. Ouais, puis ils ont écrit tapette. Ah, oui, ils ont marqué. Ils ont pas écrit tapette. Ils ont marqué son numéro. Ouais, genre, ouais, c'est ça, numéro 32. 93. 35, Dave. 35. 35. Et dernier petit sujet, il y a un genre de mouvement MeToo en ce moment qui se propage dans la Ligue nationale. Par rapport aux coachs, fait que les coachs de l'ancienne école qui se font call et out, en fait, là, ouais. Babcock, Mark Crawford, les frères Sutter, ceux-là, j'ai pas vu, puis même Michel Therrien serait sous. Oui, ben les frères Sutter, ça va être rapide. Dans le fond, ils ont été call out par Sean Avery. Parce que ça a l'air que Sean Avery, quand il jouait avec les Kings de Los Angeles, mais Daryl Sutter le kickait. Genre, tu m'as fait pas ça aussi, puis. Tu sais, on s'entend-tu que. Le gars le moins crédible c'est pour Sean dire Avery. Que tu t'es fait intimider, c'est Sean Avery. C'est là. Ça. Ah, je me suis fait intimider. Ben oui, tabarnak. Le gars le plus intimidateur. C'est pas lui, est-ce qui venait jouer d'en face qui est allé niaiser, genre les goalers, en mettant le gant d'en face. Ouais. Wow, ouais. Il traitait le monde de toutes les histoires. Oui, ils ont fait le règlement Sean Avery après ça à cause de ça. Oui, oh, non. Lui, il se mettait devant les goalers. C'est ce que je parle. Okay. Mais oui, lui, il se mettait le gant d'en face. Il disait tellement de merde. Il y a Mark Crawford, que là, maintenant, il est sous enquête avec les Blackhawks. Donc, d'après moi, Mark Crawford. Mais là, il y a des joueurs qui ont sorti par rapport à Tortorella. Ça n'a rien eu, ils ont dit Tortorella, il est pas intimidateur, il va te dire ce qu'il pense, puis ça finit là. Il va te dire genre, il va être plus du type à te dire, mettons, si tu fais ça, puis tu fais ça, tu vas jouer. Si tu fais pas ça, tu joueras pas. C'est ça, ouais, j'ai trouvé que c'était comme un clickbait. C'était genre, je m'attendais à genre un scandale. Ouais, finalement, moi, c'était ben, comme... ouais, ben, ah, il est correct. TVA Sport, oh, c'est... Moi, j'espère juste que Michel Therrien va avoir d'autres histoires de lui avec des clopes et des serviettes mouillées sur la tête. Justement, ça, genre, il est arrivé à un cas, dans le fond, le premier qui a parlé sur Michel Therrien, c'est Mathieu Garon. Il a forcé le gars à fumer une clope, puis il voulait le faire comme avec une grenouille. Mathieu Garon, dans le fond... fait fumer une grenouille! C'était pendant le... On fait fumer Mathieu Garon, aussi. Mais Garon, dans le fond, là, c'était à l'époque où ce que Therrien commençait à... Ouais. Petit blondinet. Ouais, son père était policier. Ah, d'accord. Chris, les détails. Ben, c'est pour ça que ça a fait une rivalité entre lui et Théo, genre. Ah, tu veux? Ben ouais, parce que l'autre, tu tenais avec des motards. C'était des rumeurs, parce que Mané Garon était mieux que Théo, genre, devant le filet. Mais bref. Tabarnak deux games. Exactement, mais tu sais comment que le monde s'est fait à Montréal. Puis là, c'est ça. Fait que là, Therrien, dans le fond, Garon, il parlait, puis Therrien, là, il a fait pleurer Mathieu Garon. Puis Mathieu Garon, il expliquait que quand Michel Therrien rencontrait des joueurs dans son bureau, genre, les recrues, souvent, ça arrivait que les recrues pleurait en sortant du bureau de Michel Therrien. Il disait après ça, tu sais, essaie de demander aux jeunes de jouer un bon match. C'était plus difficile à Montréal. Therrien, ça a l'air qu'il était méchant, là, solide. C'est vrai que tu rentres dans le bureau à Therrien, puis Therrien disait... Il est mieux de comprendre. Hey, t'as une hostie génération Snowflake en tabarnak, ben, là, ça va pire que ça va être. Puis là, ça a l'air que Therrien aussi, lui, il avait tout le temps genre une paire de billets d'avion dans son bureau, puis il dit, si tu joues pas bien à soir, là... Ça va au Belize. Là, tes billets pour aller à Hamilton. Fait que là, tu sais, les gars capotaient. Ouais, c'est ça, c'est un avion, genre. Mais dans le fond, c'est première classe. Dans le fond, c'est juste des coupons de McDo qui soignaient dans les airs. Là. Fait que ça, c'était intense. Pour des Claude Julien. Puis c'est ça, Mark Crawford, il a été accusé de donner des coups de pied à tout le monde, tout ça. Puis non, mais c'est vrai. Genre, sur des gars qui avaient des pattes, on a dit, t'as pas bien joué, là. Hey, man, des coups de pied, c'est genre. Le monde, ça, c'est... Ça, c'était un peu violent, là, mais ça dépend, ça dépend de la force. Ça a l'air qu'il était fou, là. Mais... Bill Peters, lui, c'était des coups de poing dans la tête. Genre, il casse. Et hey, puis le pire, c'est que Rod Parent-Rameau, qui coach les Hurricanes à Caroline, il a dit « Ah oh, oui, c'est vrai, je l'ai vu donner des coups de poing dans la tête du monde. » Mais Chris, pourquoi t'as rien dit avant? T'es Rod Parent-Rameau, resti. Va y casser la gueule, au pire. C'est ça, puis là, Bill Babcock, Bob Babcock, c'est quoi son Mike! Mike Babcock. Bob Babcock. Et là, Chilios, il a callé out cette semaine. Genre, puis le callé out pendant qu'il était à Montréal. Ben Babcock, ça a l'air qu'il a intimidé psychologiquement Johan Fredzen pendant qu'il y avait une commotion. Il criait après, si. Arrête d'avoir mal à la tête. T'es pas bon, t'es pas assez prêt. Puis le gars, il dit ah, parce que tu sais, j'étais en dépression. Puis j'avais une commotion, fait que j'avais de la misère à m'en remettre, puis tout ça. Puis tu sais, le lendemain, il a comme expliqué qu'est-ce qui est arrivé, là. Mais Babcock, ça a l'air genre que c'était genre un lotissier en personne. C'est fou, là. Fait que là, c'est ça, je me demande c'est qui les autres. Il y a comme un mouvement, puis là, tu sais, comme à RDS, là, il y a Éric Bélanger, puis il dit t'en connais-tu des coachs? Ah oh, ouais, moi, j'embarque pas là-dedans. Il a pas voulu en parler, fait que c'était dommage. Fait qu'il en connaît, mais il veut pas le dire. Ben, non, c'est dommage. Je veux dire, je pense que c'est personnel, pour vrai. Il y en a qui sont capables de le prendre. Mais ça dépend comment tu le perçois. Tu sais, mettons un gars de caractère. T'sais, mettons, Roy serait faire ça. Je pense que Roy, il aurait écrit ça un coup de poing. Roy, là, honnêtement, là, je serais pas surpris qu'il y ait des affaires qui sortent. Ah, moi, avec, pardon. Il y a dans le junior, ben, ça se peut. Ben, là. Justement, parce que là, le mouvement est dans la Ligue nationale, mais le mouvement, il va s'étendre. Ben, vous vous souvenez, genre, il y a un mois à peu près, j'avais mis une séquence de Mario Tremblay des portes, avec Brasher. Pas sur, Mario Tremblay, il a fait des propos racistes envers Brasher. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais en dessous des couvertes, j'écoutais Sport. Puis, écoute, dans ce temps-là, t'avais pas de censure. Là. Écoute, il avait vraiment fait des propos racistes envers Brasher. Mon esti, puis là, pipi, il n'y a pas de bip, c'était genre solide de même. C'était filmé, man. C'est le gars qui est gros, genre, qui est mort aujourd'hui, là. Ouais, Paul Bissonnette, là. Ouais, c'est lui qui avait filmé ça, puis c'est comme un tabarnak. Ouais, traitais-tu de nègre? Ouais. Ben voyons donc. Jure, pas à télé, là. Pendant la pratique. Tremblay. Okay. C'est à glace, mais... Tremblay, oui, je l'ai vu, ça. Mais oui, c'est tout censuré, ouais. Là, aujourd'hui, c'est censuré la vidéo, mais à l'époque, ce l'était pas. Quand tant que Spartan, c'était écrit en jaune, là. Ouais. Ben, c'est ça, fait que c'est. Tremblay, c'est un autre Mario Tremblay, là. Depuis coach, que ça a commencé à sortir, là, il est tranquille. Il travaille-tu encore à RDS? On le voit-tu encore? Oui, parce que là, c'est censuré, fait qu'il travaille, mais il a tout le temps le nez si rouge avec des veines. Ben oui, qu'on laisse d'eau boire un asti de coup. Fait que là, j'ai comme l'impression de voir un genre de rouge comme un lumière. Puis le pire, c'est qu'on. Juste, on peut finir là-dessus, là. Ouais, vas-y. C'est que Garon comparait, mettons, le meilleur des deux mondes avec Michel Therrien, genre qui était méchant. Puis il parlait de Claude Julien, parce que Claude Julien, c'est le gars qui a remplacé Therrien tout de suite après. Là. Puis il a dit, Claude, là, c'est différent. Quand t'allais pas bien, t'allais dans son bureau puis il te parlait calmement. Puis genre, je suis genre qu'il le caressait. Puis tout ça, il dit, mon petit gars, tu vas voir, là, ça va bien aller demain. Là. Continue à travailler fort. Là. Regarde, ça, c'est ta liste de choses à faire chez vous. Là. Je suis sûr que... faire tes devoirs. C'est ça. Regarde, fais attention avec toi. Regarde, je t'ai donné... C'est comme un papa. Je t'ai fait, ouais. fait un DVD là, sur ce que tu dois, genre, améliorer. Je t'ai fait, une cassette. Mais en tout cas, le frapper des joueurs dans la tête, là. You can't do that! That was probably number 10. Two minutes broken. T'sais, imagine le genre le malaise dans la chambre. Mon Mark Crawford, genre, qui est tout énervé, genre, tu sais, qui parle avec son français cassé. Non, tu ne fais pas ça. Ouais, il est en français, d'après moi, c'est ça. Ouais, Chris. Fait que. Ouais, c'est fantastique. Ça fait le tour du podcast. Ce mouvement-là, là. Mouvement, ça ne fait que commencer. J'ai hâte de voir, ça va. Ça va faire quoi comme qui ravage? Ouais, qui va perdre ça? Ça peut faire des ravages. Ou ça peut mourir. Tabarnak, ou ça peut, mourir dans l'œuf. Ça va faire un ménage. Hâte de voir ça. On verra. T'avais-tu un call-out, Jeff, pour t'amener le podcast? Ah, j'ai un petit call-out, c'est sûr et certain. On va aller faire le call-out. On va fermer mon micro, manette. Je vais parler. Maintenant, par ça pour les cartes à JF, on va fermer nos micros, on va le laisser aller dans toute sa folie. Fait que voici la caméra sur JF. Parce que tu méritais pas ce que je t'ai fait la dernière fois. Non, c'est pas grave. C'est ton moment. Vas-y. C'était l'émotion. Prends-les toutes. Fait que là, je vais parler de l'article de Régent Tremblay que JF a eu le plaisir de nous partager dans notre chat collectif. Régent, c'est-tu trop proche, ça? En tout cas. Non, c'est parfait. Régent Tremblay qui dit que le Canadien était mieux servi à l'époque de Bob Gainey puis que Marc Bergevin mériterait de perdre sa job. Je ne l'ai pas lu. OK, ben dans le fond, en résumé, genre, c'est qu'il donnait des exemples de Bob Gainey qui il disait que lui, il a aidé le Canadien, il faisait des échanges, puis Bergevin, okay, il a vanté ce que Gainey a fait versus ce que Bergevin a fait. Il a dit que Bergevin a scrappé le travail à Gainey. Ben là, l'affaire qui arrive, là, c'est que Bob Gainey, là, dans le fond, là, mais c'est carrément ça, JF. C'est que Bob Gainey, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'à toutes les fucking années, il réparait le toit qui coulait. Puis ça, c'est l'expression de Pierre Gauthier. Je ne sais pas si vous en souvenez. Là, je pense que votre podcast avait commencé à l'époque de tout ça. Ah non, c'était quand Bergevin était revenu. Ouais. Hey, si on a fait le podcast un an avant, ça aurait été l'enfer. On en parlait dans Josette, on avait un segment sport. Ouais. C'est ça. Fait que Pierre Gauthier disait tout le temps, ah, mais là, j'ai changé mon choix de deuxième ronde pour réparer le toit qui coule. Monsieur Wroczynski s'en vient à Montréal. Fait que là, ben Gainey, lui, il a tout le temps échangé des choix de deuxième ronde. Écoute, l'année qu'il a échangé un choix de première ronde pour Alex Tanguay, qui n'a rien collé l'année d'abord, qui était à Montréal, on allait le repêcher John Carlson. Puis Tutvins, il l'a dit là, en entrevue, il dit c'était mon choix. Puis le pire, c'est qu'il aurait sorti à Montréal. Imaginez John Carlson est à Montréal. Fait que Gainey, il a passé pendant, je pense, 5-6 saisons de fil à échanger des choix de deuxième ronde puis de première ronde pour améliorer le club parce qu'il voulait monter un club pour le centenaire. Ça a reviré en scandale de frère Cotitine, Nasty, qui faisait de la poudre, puis que je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait d'autre. Peut-être que ça s'enculait, Nasty, derrière un Subway. J'en ai aucune idée. Mais Tremblay, tabarnak, Gainey, là, puis Gauthier, sa même calice d'affaires, ils ont scrappé le club, calice. Toi, mon tabarnak, là, un moment donné, il va falloir que tu apprennes à fermer ta gueule. Puis de réaliser une chose, quand tu te regardes devant le miroir, c'est que tu t'ennuies de Fabienne. Fait qu'à un moment donné, là, lâche-toi la caquette, esti, puis va faire d'autres choses. Prends des vacances, tabarnak. Ce club-là était pas entre bonnes mains avec Bob Gainey. Aujourd'hui, là, si on réalise une affaire, là, on n'a aucune profondeur parce que tous les joueurs qu'on aurait pu repêcher, ça aurait été probablement notre profondeur, puis on aurait eu une meilleure équipe aujourd'hui. Puis à un moment donné, il faut que tu apprennes une chose, ferme ta gueule. Mais je réserve le dernier de mon segment à M. Serge Chavard, qui était invité à la soirée. Oui, parce qu'il a parlé cette semaine. Il était à l'émission de Bernard Drainville. Bernard Drainville, est-ce qui est un preacher pour le Parti québécois? Drainville, il a dit à Chavard, « Hey Serge, comment ça se fait qu'à Montréal... » Les jeunes sont pas bons, puis à travers la Ligue, les jeunes sont bons. Fait que là, Serge a fait « C'est pas compliqué, Bernard. Dans la Ligue nationale, c'est juste à Montréal que les jeunes sont pas bons. » C'est insultant, ça, Serge. C'est vraiment insultant de dire quelque chose du genre que les jeunes, c'est juste à Montréal qu'ils sont pas bons. C'est chier pour Suzuki, ça. Son père, c'est un écologiste, c'ti. Non, son nom, excusez. C'est chien, ça. Tu dis pas des affaires de même, tabarnak. Pas sûr. De quoi? Non, son père, c'est David Suzuki. Non, son nom, c'est David Suzuki. C'est ça, son nom? Oui, oui, allez checker ça dans Wikipédia. C'est son nom. C'est sérieux, ouais, ça? C'est spécial. Oh, ouais. Tu l'aimes plus, ça, hein, Nick? Ah, oh, on dirait, là, il vient de prendre une coche. Ouais, c'est un éduqué. Je l'ai. C'est pas d'intelligence. Lui, tantôt, il doit pas avoir des bouteilles d'eau, non, lui, c'est sûr que non. Lui, il a des bouteilles resclaves. Lui, il boit direct dans le robinet. Il boit dans la rivière. Il boit même pas. C'est ça. Il boit même pas d'eau. Il veut pas gaspiller. Non. Puis là, Serge, si tu dis tu chaud des affaires de même, tabarnak, puis après ça, tu t'en vas à soirée des capitaines. T'es même pas. Tu sais, t'es là, si, puis tu parles contre le club, puis on t'invite à une belle soirée, on te paye à manger, si tu as le droit à prendre des desserts après. Puis toi, tu parles le lendemain à Bernard Drinville, puis tu dis les jeunes, c'est de la merde. Chris, t'es chanceux, Nesti, que nos jeunes comprennent pas le français, tabarnak, parce que s'ils l'auraient lu, là, je pense qu'il y aurait eu de la peine, tabarnak. Puis toi, t'es le premier esti qui a échangé trois jeunes pour Mark Recchi. Chris, c'était pas ton plus beau trade, là, Recchi contre Leclerc, hein? Desjardins. Puis c'était qui l'autre qu'on a donné pour ça, là? On avait donné un autre qui était bon. C'était pas correct, ça, esti. Mark Recchi était cœur, hein? Oui. Non, mais John Leclerc devenait marqueur de 50 buts après. Puis Éric Desjardins, Chris. Éric Desjardins, capitaine des Flyers. Tu dis, il a échangé. Non, mais Mark Recchi était hot. Oui, il était bon, mais on a donné trois hot pour Mark Recchi. Ah, OK. Puis qu'est-ce qui est arrivé cette année-là? Pas, t'as pas fait les séries, esti. T'es allé chercher. T'as fait broyer le capitaine Kirk en l'échangeant aux Islanders, esti. Dans ce temps-là, t'allais aux Islanders, c'était comme un arrêt de mort. Puis c'est direct ça qui est arrivé. Je pense qu'il a pris sa retraite après. Mais, Serge, ferme ta gueule, Chris. On t'a tout donné, esti. On t'a donné le club. Tu mets des cigares dans la chambre. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Puis là, tu choisis Marc Bergevin, mais Marc Bergevin, il a pas retourné ton appel que là, tu as commencé à parler normal de lui. Calisse, Serge, tabarnak. Ferme ta gueule. Bernard Drinville, en plus, esti. Fait que sur ça, messieurs, j'ai commencé à mal à la gueule, ça me pique, esti. Mais on dirait là que les vieux là qui restent des anciens du Canadien, là, mettons, pas toutes, là, parce qu'il y en a qui se ferment la gueule et qui se mêlent pas de ça. Tu n'aurais jamais vu Henri Richard dire de la merde sur le Canadien. Yvan Cournoyer trop de temps, trop chaud. Yvan Cournoyer non plus. Mais mettons, tu sais, Guy Lafleur, ça chiale. Mais pourquoi tu penses que Guy Lafleur est allé en Australie? Il s'est opéré. Chris, il n'était pas capable de voir ça, 8 défaites de suite. Il a capoté. Ça y est, bloqué le cœur aussi. Tabarnak! Savard, ça chiale. Tu sais, il y a comme des vieux de même. Mais l'ironie de ça, c'est que c'est Serge Savard qui a choisi Marc Bergevin, Chris, avec ta pub de les placements en santé. Votre vie est en santé. Il était conseiller à Molson contre Lalcan. Non, non. Mais écoute, c'est ça. Il était conseillé par Molson. Il était conseillé. On s'entend-tu avec Molson, genre, à part. Le hockey, genre, c'est pas ça. Ben, calice. La boisson non plus, moi, dire. Fait qu'on s'attend-tu que... C'est boire. OK, oui, j'ai de comprendre ce que tu voulais dire comme parallèle. Voilà. Mais on s'attend-tu que c'est pas Monsun, genre, qui a dit « OK, Marc Bergevin, ça va être un bon DG. » C'est Serge Chavard qui a dit. C'est Serge Chavard qui a dit. Puis le pire, c'est que Monsun, il a pas posé la job de président, puis Savard, il a dit non. Pourquoi tu penses qu'il a dit non? Pourquoi? Je sais pas, je te le demande. Ah. OK, en tout cas, pas de punch? On va revenir là-dessus. Puis, non, on va revenir au prochain podcast sur la réponse. Moi, je trouve que c'est un grudge inutile pour Serge Chavard. Il écrit son livre, puis il veut comme on parle de lui, genre, pour vendre son livre, que je ne vais sûrement pas acheter. Ben, achète-les pas. Non, plus, j'achète-les pas parce que je lis pas. Tu sais pas lire? Chris, assis, Dave. Excusez-moi. Faut que j'en parle. OK, bye, les gars. C'est notre joke de merce. Je lis des BD, je regarde les images. Ah, j'aime ça, les images. Ah, il se baisse ses pantalons. Quel genre de BD tu lis, mais... C'est chinois. Non, je, bon, lis, voilà. Je lis des Deadpool. Ah ben voilà. Là-dedans aussi, il se baisse les pantalons. Ça, c'est vrai. Fait que ça fait le tour du podcast pour ce soir, messieurs. Écoutez, c'est peut-être le dernier podcast de la saison, mais de l'année. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en aura un dans deux semaines, donc vendredi le 20. Ça dépend. Ma blonde est enceinte de 9 mois. Ça se peut que j'aille tipou chez nous qu'il va m'empêcher de podcaster. Donc. Mais il est dû pour quand? Au mois de janvier, mais il y a des détails là, qui ça fait que peut-être que ça va être avant, fait qu'on sait pas encore. Ah, là, tu vois? Ouais, on en parlera hors micro, mais c'est pas grave. Là, c'est... Ben pourquoi donc? On en parlera une autre fois, peut-être, mais c'est ça. On verra, mais peut-être dans deux semaines. Sinon, bonne année tout le monde, et puis joyeux Noël, puis tout ça. Puis, ouais, garde. Yep. je vais vous dire tout de suite qu'il y aura probablement... des gens qui vous sont chers. Il va y avoir un petit break, là, genre début janvier, février, parce que je vais être un petit peu occupé, là. Mais on va revenir. Je sais pas de quoi tu parles. Aucunement de quoi tu parles. Oh, les couches pleines de marde. Mais. Ouais, on... ça se fait bien en podcastant. Là. Non, on peut faire sur le bar. Tu sais, qu'est-ce qui se passe quand tu nous laisses le micro pendant une couple de minutes? Ben là, ouais, ça va très bien. Quand les gars changer une couche sur le bar. C'est beau, les gars. Je vais aller changer une couche. Là. Prenez le contrôle sur le bord de En regardant des highlights de Nikita Koutsev. Là, anyway, on va écouter. Non, c'est pas ça qu'on va écouter. On va regarder Kim Jong-un. Puis. L'autre, là. Ouais. Lui, là. Donald Trump. Non. Je sais pas. Jun Lin. Qui s'y voit. On regarde les morceaux de... C'est pas vrai que ça va décapiter, ça? Ouais. C'est vrai, ben, okay. Bravo. Ben. Anyway, suivez nos médias sociaux, puis ça va être là-dessus qu'on va vous dire ce qui va se passer pour nous autres. Mais on se dit à bonne très soirée. Bientôt. Bye. Bye tout le monde, à la prochaine. Joyeux temps des fêtes, puis amusez-vous. Yeah. Soyez prudents.